couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 30. Avant de lancer cette émission, je vais procéder au rappel traditionnel de celle-ci. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email, dempart@dnmx.org, je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. Ce forum vous permet de commenter les émissions, vous permet de réagir aux articles, vous permet d'aborder librement toute une série de sujets, d'actualité ou pas. Il y a aussi la rubrique révisionnisme à laquelle participe activement Vincent Renoir, qui participe aussi à l'émission. Il répond souvent sur ses vidéos qu'il produit. Vous pouvez vous y référer. Guide racial des villes, crypto, informatique, etc. Alors, nous avons résolu un certain nombre de problèmes d'inscription qui étaient récurrents. On s'en excuse. Donc, en fait, maintenant, si vous souhaitez vous inscrire sur le forum et que ça ne marche pas a priori, vous envoyez un petit message à notre adresse email que j'ai citée précédemment et vous donnez l'adresse email de votre choix, votre pseudonyme, et on procédera à votre inscription annuellement. Et voilà, et donc normalement, tout devrait pouvoir se dérouler tranquillement dorénavant. Donc voilà, un petit message et tout fonctionnera. Avant de remercier nos donateurs, je tiens à présenter notre petite équipe aujourd'hui. On est en rentrée, pas mal de gens occupés. Donc, équipe restreinte, mais de qualité. Hein. On va commencer avec Jean Bureau, qui fait son retour dans l'émission. Salut Jean, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, ça va très bien. Je fourbis mes armes, je prépare la campagne. La campagne, laquelle? Ah bah là, avec ce qui se prépare, il faut se préparer en tant qu'artilleur de métier, c'est important. Ah t'as raison, c'est vrai. Et aussi avec nous cette semaine, Vincent, comme chaque semaine, qui nous fait le plaisir et l'honneur hein, d'animer l'émission avec succès. Salut Vincent. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Gandalf, et bonjour Jean, je suis encore une fois heureux d'être ici. Pendant que j'y pense, est-ce que je peux remercier des donateurs ou il faut que je passe après? Ah non, naturellement, vas-y, je t'en prie. Alors, donc, je remercie des donateurs de Démocratie Participative qui m'ont demandé d'être cité dans l'émission. Donc, je remercie Combattant Meurtri, hein, pour ce qu'il a envoyé, merci beaucoup. Le donateur des pays de l'Est, alors je ne sais pas trop, ça va être probablement la Tchéquie, mais j'en suis pas sûr, enfin voilà, merci beaucoup. Un autre donateur qui se fait appeler Breivik et Taran, voilà référence, hein, c'est pas la peine d'aller voir plus loin, merci beaucoup. Et enfin, Étienne, qui aussi nous a fait un don. Alors je les remercie beaucoup, d'autant plus que ça me permet de continuer tranquillement la lutte. Et j'en suis donc, je suis très satisfait de pouvoir compter sur ces soutien régulier. Merci à toute l'équipe de démocratie participative et aux donateurs. Oui, puisqu'il y a... Tu es très occupé, donc il y a la série spéciale Troisième Reich. Oui, puis ce matin, j'ai mis deux vidéos aussi sur le forum. Hein, oui, qui sont des... tu fais ta série spéciale Troisième Reich, mais à côté de ça, tu continues à produire des vidéos plus thématiques ou voilà. Oui, c'est ça. J'ai fait Holocauste et puissance juive aujourd'hui en oui, épisode. C'est intéressant. Parce que c'est pour répondre justement à un commentaire que j'ai eu sur le forum de démocratie participative. Voilà. Et j'ai estimé que c'était important de le faire, donc j'ai pris une semaine. D'accord. Donc, toute personne qui souhaite se familiariser avec le contenu de Vincent le fera sur son site officiel blog blogue-sc.com, blog-sc.com, tout s'y trouve. Hein. Vincent aussi, tu n'hésiteras pas à nous signifier quand ta boutique sera enfin opérationnelle pour vendre tes ouvrages, hein, bien sûr. Oui. Nous sommes toujours dans l'attente puisque la dernière étape n'est pas entre nos mains. Donc ça, on attend toujours. Alors, pour démocratie participative sans donateur, ben, on ne pourrait pas fonctionner. C'est la même chose. Hein, pas de site, pas de forum, pas d'émission, rien. Donc les persécutions juives continuent. Le nom de domaine a sauté. Donc maintenant, on est en dempark.info. Qui va durer, le nombre de semaines qui va durer avant qu'on migre vers un nouveau nom de domaine. Enfin, c'est la règle. Je vous invite à vous familiariser avec Tor. Si vous en avez marre de devoir chercher les noms de domaine, bon, normalement, automatiquement, vous êtes réorienté, mais bon, il y a toujours de la déperdition. Si vous en avez un petit peu marre de ça, tout simplement, adoptez le navigateur Brave ou Brave, B-R-A-V-E. C'est gratuit, ça se télécharge en ligne sans problème. Et il intègre Tor. Donc en un clic, vous pouvez ouvrir une fenêtre Tor, donc, qui est un réseau parallèle chiffré. Et là, vous entrez notre adresse Tor spécifique que vous trouvez sur la page de démocratie participative, donc ce qu'on appelle un oignon. Voilà. Vous copiez-collez, vous pouvez le mettre en favori même. Et voilà, c'est terminé. Après, il n'y a plus du tout d'histoire de migration, à chercher le nom de domaine ou quoi. Vous allez tout de suite trouver le nom de domaine. Et vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous avez aussi l'option du VPN que je ne pourrais que trop vous recommander, surtout en France. Où là, en fait, au moins c'est clair. C'est-à-dire que une fois que vous êtes sur VPN, la censure du nom de domaine ne vous atteint pas non plus. Donc voilà. Donc VPN, Tor, c'est vraiment des bonnes alternatives. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers de ça et qui restent sur ce qu'on appelle le Normie Web. Bon, si jamais vous perdez trace du nom de domaine, vous connaissez notre adresse email, vous savez où nous écrire pour nous demander tout simplement où retrouver le nom de domaine. Voilà, alors je vais remercier maintenant les donateurs, sans lesquels, encore une fois, il n'y a pas de démocratie participative. Voilà, pour le plus grand plaisir des Juifs, hein, je le précise aussi quand même au passage. Alors, premier don. Les dons en crypto-monnaie, Monero exclusivement, donc on ne prend pas de cash, voilà, on passe que par Monero, c'est pas sorcier à maîtriser, il y a un guide explicatif sur le site, donc on remercie tous ceux qui font des dons anonymement, qui ne se manifestent pas, qui ne nous envoient pas de message, mais si vous faites un don, que vous tenez à être remercié, s'il vous plaît, envoyez-nous un petit message, vous serez lu à l'antenne, c'est normal, c'est la moindre des choses, nous vous sommes bien évidemment très reconnaissants pour votre soutien. Premier don. Bonjour Gandalf, bonjour les démocrates. Je vous envoie ce jour mon tout premier don en Monero d'une... Je recommence. Je vous envoie ce jour mon tout premier don en Monero d'une toute petite valeur de 5 euros en guise de test et en vue de dons mensuels plus conséquents. C'est pour cela que je demande confirmation de la bonne réception de ce premier don. Alors ça sera fait. En effet, je vous écoute depuis des années, donc vous soutenir pour vos efforts est pour moi la moindre des choses et j'ai bien l'intention de devenir un fidèle mécène. Une quête auprès de mes amis racistes sera aussi d'actualité. Évidemment, un pourcentage reviendra à l'église de notre cher cardinal. Oui, qui devrait revenir prochainement, le cardinal. Je tiens à grandement remercier la rédaction de DP. En effet, sûrement par pur hasard, j'ai eu la mauvaise surprise et la malchance de m'initier au crypto et à Monero pile pendant les bugs de fonctionnement du logiciel. Oui, Monero, oui, à cause de la mise à jour. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors encore merci de nous avoir tenus au courant. Continuez ce que vous faites. Vous êtes à l'avant-garde du combat pour la liberté physique et psychologique de la race blanche. Hi Hitler. Et c'est signé Mastone. Alors, il y a eu une mise à jour sur MyMonero, tout est fonctionnel. Il n'y a plus de problème, PC, tout ça, ça a été mis à jour. C'est normal, hein, il y a en fait l'équipe des développeurs de Monero ajoute des niveaux de sécurité sur la crypto pour la rendre encore plus incassable. Donc c'est pour le bien du projet Monero. Mais ensuite, il faut faire toutes les mises à jour. Donc je vous recommande, si vous avez MyMonero, le portefeuille MyMonero, de simplement le mettre à jour. Normalement, c'est prévu. Hein, quand vous l'ouvrez, il vous avertit qu'il y aura une mise à jour qui sera faite quand vous le fermerez. Donc tout ça est automatisé, il n'y a pas de souci. Mais enfin bon, voilà, il n'y a plus de souci. Et sur le site, on avait proposé par ailleurs des alternatives au cas où. Alternatives pour iPhone, Android, PC. Donc on avait mis tout ça sur le site. Voilà, si jamais vous vouliez des petites alternatives, voilà, ça a été expliqué. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe de DP. Je vous ai fait un don de 0,22 Monero. Votre site et notamment votre émission apportent un éclairage lumineux et très approfondi de l'actualité. Vos analyses sont très convaincantes. L'avenir soulève de nombreuses questions. Si celle qui suit vous paraît digne d'intérêt, je serais heureux de connaître votre opinion. Donc là, c'est ouvert à nos participants. En cas de victoire des Russes en Ukraine, les économies de France, d'Italie et d'Allemagne s'effondreront. En tout cas, c'est le point de vue de notre auditeur. À ce moment-là, est-ce que les élites judéo-maçonniques parviendront à imposer en Europe un modèle communiste 2.0 ou au contraire, est-ce que ces élites maudites seront chassées par les peuples européens en colère? Merci, c'est signé Reinhardt. Alors, si la Russie gagne en Ukraine, que se passerait-il en Europe de l'Ouest, d'après vous, chers participants? Qui voudrait partager son point de vue là-dessus? Bon, je pense que le présupposé que la Russie gagne en Ukraine ou qu'elle perde, pour peu que quelqu'un puisse gagner ce conflit vraiment, à mon avis, à partir du moment où la Russie aura fait des conquêtes territoriales et qu'elle aura réussi à rassembler des populations russophones qui s'identifient comme russes, ce sera forcément une victoire pour elle. Mais bon, j'aurais trois choses à dire en fait sur la question, plutôt la partie modèle communiste 2.0. Donc premièrement, nous sommes déjà en système communiste, du moins comme en URSS. C'est un système qui est au service d'une oligarchie juive qui nous hait et veut notre disparition physique. Donc ce qui nous prépare en fait pour leur Great Reset et l'augmentation de la répression et des systèmes technologiques avancer pour nous réprimer, c'est qu'une saveur supplémentaire dans un arsenal qui est en fait essentiellement déjà là. On n'a déjà pas le droit de parler de ce qu'on veut, on a vaguement un droit de propriété, mais bon, quand on voit comment le système fiscal est construit, on peut en douter. Et puis de toute façon, l'État est totalement dans la main des juifs, donc comme en URSS. Deuxièmement, il y a un concept que j'ai beaucoup aimé chez Andrew Anglin du Daily Stormer, c'est quand il reprenait Hannah Arendt et son concept de la banalité du mal. C'est-à-dire qu'Hannah Arendt a développé l'idée que pendant le Troisième Reich, les Allemands auraient banalisé la méchanceté jusqu'à l'absurde. Et donc, par exemple, en plein pic de l'Holocauste, ils préféraient affréter des trains de juifs vers les chambres à gaz plutôt que des trains de vivres et de munitions vers le front. Ce qui est évidemment absurde, les Allemands étant tellement méchants et haineux envers les Juifs qu'ils préféraient amoindrir leur chance de gagner la guerre en exterminant les Juifs plutôt que de donner la priorité aux objectifs militaires. Et en fait, ce que Andrew Anglin développe, c'est que pour lui, ce qui est prégnant dans le mal, c'est sa stupidité, dans le sens où le mal va aller dans l'absurde et dans la destruction, simplement pour être méchant, comme on dit bête et méchant. Et donc les gens qui nous dirigent sont fondamentalement méchants, ils cherchent à nous nuire par tous les moyens, donc les blancs. Enfin, on peut penser par exemple à la politique énergétique actuelle qui est relativement idiote quand on voit qu'ils ont fermé des centrales nucléaires dans toute l'Europe, la politique d'immigration, la politique culturelle et ainsi de suite. Donc si vous doutez que l'État veut nous nuire et que nos dirigeants veulent nous nuire, je pense qu'on en parle suffisamment dans l'émission. Et puis, troisièmement, je pense que ce système ne tiendra pas longtemps. Donc, plus il va se durcir, en fait, plus ça va créer un appel d'air vers des systèmes alternatifs. Et donc, il va assez rapidement dégénérer. Et puis, de toute façon, il n'est pas en position actuellement d'établir vraiment, à mon avis, hein, une dictature très puissante qui pourra durer longtemps. Donc, à mon avis, simplement, il faut avoir en tête des stratégies de survie et de lutte contre le système. Donc lutte non violente, bien sûr. Donc des stratégies à court terme et moyen terme, comme obtenir des compétences dures ou maîtriser des arts, un artisanat, des savoir-faire. Par exemple, apprendre de la mécanique ou de l'électronique, ça peut s'avérer utile, par exemple, si il y a beaucoup de choses qui se mettent à dysfonctionner ou si l'État perd... perd de sa puissance. De la lutte financière, on a déjà parlé dans d'autres émissions, on en parle. Les métaux précieux, les crypto-monnaies sont des bons moyens de lutter à court et moyen terme contre ce communisme 2.0, comme dit l'auditeur. Se préparer à faire du troc ou échanger ses compétences en dehors du cadre du système, ou même intégrer des réseaux, par exemple des réseaux de chasseurs, de tireurs sportifs, des coopératives agricoles ou des clubs sportifs même, qui correspondent à son terroir. Souvent, ça aide. Par exemple, si vous êtes au bord de la mer, ça peut être intéressant de faire de la voile, parce que vous allez avoir tendance à rencontrer des gens qui correspondent au terroir local et qui aiment leur patelin, même s'ils sont pas forcément dans nos idées. Et donc, c'est souvent des gens qu'il est utile de connaître. Et puis, à long terme, une fois de plus, fonder une famille et avoir le plus d'enfants, à mon avis, c'est ce que le système ne veut pas qu'on fasse. Parce que dans l'ensemble, en fait, ce système qui est déjà, comme je disais, très répressif et oppressif pour nous, il nous donne des directions qu'il veut qu'on suive. Et donc, pour nous, il suffit, au doigt mouillé, de suivre la direction diamétralement opposée à celle qu'elle nous propose. Et donc, elle est systématiquement dans le sens inverse et on a peu de chances de se tromper. Donc, le système veut que nos enfants... qu'on n'ait pas d'enfants ou que nos enfants deviennent homosexuels ou que nous soyons pauvres, dépendants de lui. Donc l'objectif, c'est systématiquement chercher l'indépendance vis-à-vis du système, des réseaux alternatifs, des réseaux qui ne passent pas par l'État, qui ne passent pas par les puissances publiques. Et dans l'ensemble, on aura tendance à mieux s'en sortir parce qu'en fait, ça peut durer... le temps que ça dure, donc ça peut durer longtemps, ça peut durer assez peu de temps, finalement on ne sait pas, mais l'objectif, à mon avis, c'est d'investir au maximum pour que nous tenions dans la durée. Il ne faut pas être attentiste et se dire ça ne va pas tenir longtemps, là c'est pour bientôt. Il faut se préparer à ce que ça dure quand même longtemps, même si intuitivement, probablement, ça ne va pas durer trop longtemps. Vincent. Oui. Alors, en ce qui concerne cette politique fiction, c'est pour moi, c'est assez dur de répondre parce que quand on parle, à supposer, hein, de la victoire de la Russie, il faudrait voir en fait après comment se gérerait cette victoire. Est-ce que ce serait une paix blanche parce que, voilà, comme disait Jean avec raison, la Russie ne reprendrait quelques régions avec quelques populations qui s'affirment russophones, enfin qui s'affirment russes. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer qu'on signe une paix avec une Ukraine un peu amputée et que ça ne change pas grand-chose finalement. Après, ça peut être une guerre, encore une fois, à supposer que la Russie soit militairement, elles prennent le dessus, Dieu sait jusqu'où ça peut aller, est-ce qu'elle peut essayer carrément de prendre toute l'Ukraine pour s'assurer un territoire. C'est extrêmement délicat, tout dépendrait de ce qu'on appelle la victoire. En revanche, et je vais faire un peu comme Jean, c'est-à-dire que je vais imaginer que l'économie française et d'autres en Europe s'écroulent. Je pense, moi aussi, c'est qu'il y aura deux genres de réponses dans la population. Il y aura les gens qui vont préférer l'égalité dans la pénurie que l'inégalité, je dirais, dans la quand on s'occupe de soi, c'est-à-dire des gens qui vont rechercher toujours l'aide de l'État et qui vont donc réclamer, en effet, un système communiste qui assurera un minimum à certains, un minimum de nourriture, hein, puis un minimum de divertissement. Il y a des gens comme ça. Et puis, comme dans tous ces systèmes communistes, hein, l'histoire l'enseigne d'ailleurs, il y aura en effet des plein de systèmes, plein de marchés parallèles, de choses qui vont s'établir de façon parallèle, avec des communautés qui ne feront pas de bruit, je suppose, parce que l'État pourra, naturellement, aura tendance à vouloir atomiser ces communautés pour pas qu'elles se forment. Et je pense que là, ce sera l'occasion pour des gens débrouillards, des gens qui ont des savoirs, en effet, des gens qui comptent sur eux, de faire des sociétés alternatives. Et lorsque ce communisme 2.0 s'effondrera, ce sont peut-être ces sociétés alternatives qui se seront créées, qui feront, qui constitueront ces germes de renouveau. Voilà. C'est pour ça que je pense que même sans parler de la Russie et tout ça, on s'achemine vers un monde qui va être de plus en plus connecté, donc qui va être de plus en plus répressif, de plus en plus intrusif. C'est un peu synonyme, mais on peut être intrusif sans être répressif d'ailleurs, mais de plus en plus répressif et intrusif. Et donc, au bout d'un moment, ces gens qui aspireront à une certaine liberté, qui refuseront d'avoir un pass vaccinal, un pass énergétique, un pass de je ne sais trop quoi, un pass de la pensée, eh bien, seront obligés, peut-être même d'ailleurs, de s'exiler, de partir et formeront des communautés. Et je pense que ce sont ces communautés qui, lorsque ce monde interconnecté s'effondrera, constitueront des germes d'une renaissance, d'une civilisation. Voilà ce que j'avais à dire. Ça répond peut-être pas vraiment à ce qu'attendait l'auteur, mais je peux pas dire plus. Merci Vincent. Sur la question de l'auditeur, précisément, que se passerait-il en cas de victoire de la Russie? Alors, ça a été touché du doigt par Jean, qui dit, bon, faudrait-il encore définir ce qu'est une victoire? Parce que, en fait, c'est un peu le propre de la guerre. La guerre commence entre différents protagonistes, chaque protagoniste ayant son objectif, et les objectifs de la Russie étant probablement très limités. Ce pays peut se retrouver dans une guerre dont l'ampleur et les implications, finalement, dépassent ses propres objectifs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, déjà, aujourd'hui, si on regarde la situation en Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? Techniquement, c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. En pratique, c'est une guerre entre la Russie et l'Amérique du Nord, l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et toute une série d'États alignés sur ces puissances. Ça se traduit essentiellement par la mise en branle de l'OTAN aujourd'hui en Ukraine. Donc, le conflit n'est plus limité depuis des mois à l'Ukraine. Donc sur le papier, les opérations militaires sont limitées à l'Ukraine. Effectivement, les soldats qui s'affrontent sont soit, et encore, des Ukrainiens et des Russes, mais on voit qu'il y a aussi des forces spéciales occidentales qui sont présentes là-bas. Évidemment, les Russes, de leur côté, ont des gens qui sont proches d'eux, des Chinois, des Nord-Coréens, qui, comme ça se fait très souvent, envoient des observateurs pour voir comment se déroulent les combats en situation réelle, essayer d'en retirer des enseignements. Bref, donc nous sommes sur un conflit international, comme la Syrie l'était. On voit que finalement, les conflits se succèdent et deviennent toujours plus en plus importants. Et là, je crois malheureusement que quand on veut définir, quand on parle de victoire, ça devient très compliqué parce que justement, on ne peut plus raisonner en termes russo-ukrainiens. Parce que sinon, c'est assez simple. C'est une question territoriale. voilà, y a des désaccords entre les deux États sur les frontières et tout. Bon, on se dit, s'ils trouvent un accord au plan des frontières, la guerre se termine. Mais on a bien compris qu'avec l'intervention massive au plan financier et militaire des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et d'autres États dans ce conflit, que le conflit n'est pas limité à l'Ukraine et donc ce n'est plus un conflit de frontières entre ces deux États. Donc la victoire aujourd'hui, je crois qu'elle est assez simple. C'est une confrontation qui devient existentielle entre deux camps. Du point de vue russe, c'est à peu près clair, puisque finalement les Occidentaux, ceux qui pensent cette guerre, je veux dire au niveau de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique, ne s'en cachent pas. C'est-à-dire que le but, c'est de détruire la Russie. Donc le but, c'est pas une question de, je sais pas quoi, de souveraineté de l'Ukraine, ça, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est de démanteler la Fédération de Russie, c'est-à-dire d'attirer la Russie dans un conflit durable en Ukraine, d'épuiser les forces armées russes dans ce conflit, d'espérer que la lassitude de guerre, éventuellement des restrictions d'ordre économique, affaiblissent le pouvoir central russe, et que, à la faveur de cet épuisement, il y ait une espèce de révolution populaire qui aboutisse au renversement de Vladimir Poutine, et même, d'une manière générale, des dirigeants actuels de la Russie, et il serait remplacé par des gens pro-occidentaux, et qui feraient la volonté politique, des gens qui contrôlent aujourd'hui le système occidental. Bon, ils se cachent pas non plus de leurs intentions, le but c'est de démanteler la Fédération de Russie, de la couper en morceaux, et donc, du point de vue russe, c'est assez clair. C'est-à-dire que si les Russes perdent en Ukraine, le reste, c'est la destruction de leur pays. Donc, si vous voulez, donc il faut comprendre la psychologie de la Russie aujourd'hui pour deviner quelles pourraient être les décisions ultérieures de la Russie si le conflit ne prenait pas la direction qu'il doit prendre du point de vue russe. Et je crois que la réponse serait claire, ce serait une escalade très significative en termes de moyens déployés. Parce qu'encore aujourd'hui, on peut regarder les lignes, etc. Le conflit reste un conflit conventionnel. On est sur de l'artillerie, des tanks, de l'infanterie. C'est assez prévisible et localisé. Les Russes, il n'y a pas que les Russes, l'OTAN aussi, hein, ont des moyens en termes de puissance qui dépassent de beaucoup ce type de conflit. Et évidemment, il y a le nucléaire, mais pas que. Il y a le biologique, le bactériologique, le chimique, etc. Donc, il y a le cybernétique, bien sûr, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en mouvement, qui ne sont pas mises en mouvement, parce que pour le moment, j'allais dire, les belligérants veulent que le conflit reste territorialisé et localisé. Ça va changer, je pense. Donc, si jamais la Russie devait gagner, vous imaginez que, en fait, d'abord, ce serait la victoire de David contre Goliath, parce que, si on regarde, si on se dit oui, c'est l'Ukraine contre la Russie, bon, bah, on se dit que c'est l'Ukraine qui est le challenger et que l'État vraiment puissant, c'est la Russie. Mais si vous prenez en compte l'intervention de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique, vous vous rendez compte en fait que la Russie boxe à 1 contre 10, si ce n'est à 1 contre 15. Vous prenez le PIB par habitant, vous prenez la puissance financière, vous prenez les moyens militaires et technologiques. La Russie, aujourd'hui, vraiment se bat à 1 contre 10 ou à 1 contre 15 en Ukraine. C'est-à-dire que les Ukrainiens fournissent, j'allais dire, les poitrines, d'accord, pour faire écran aux balles, mais l'Ukraine a quitté le conflit depuis longtemps, d'accord. Au plan économique, l'Ukraine ne peut pas se battre. Elle ne peut plus se battre depuis longtemps. Donc pourquoi l'Ukraine parvient encore à se battre? Eh bien parce que c'est tout l'appareil économique et financier occidental qui finance la guerre en Ukraine. Si l'Ukraine devait compter uniquement sur ses propres ressources matérielles et financières, elle ne pourrait déjà plus se battre. Donc, ces flots d'argent continuent, les volumes sont énormes, il y a les volumes officiels et les volumes officieux, les moyens matériels sont colossaux, je veux dire, parce que vous avez les moyens, les livraisons d'armes directes, mais vous avez les renseignements satellitaires. Vous avez les forces spéciales, très compétentes, qui viennent du monde occidental. Bon, tout ça qui rentre, qui n'est pas nécessairement quantifié matériellement, mais qui joue un rôle majeur dans le conflit. Donc, si vous voulez, on est déjà dans un conflit international d'une très grande ampleur. Donc si, malgré tout cela, l'Occident démocratique plutocratique devait perdre, bah, l'Occident s'effondrerait. C'est évident. Pourquoi il s'effondrerait ? Il ne s'effondrerait pas parce que les troupes russes envahiraient la totalité de l'Europe et détruiraient tout ce qui se trouve sur leur passage. Mais simplement, ça voudrait dire que la bascule de l'équilibre financier et géopolitique serait massive et que le centre du monde se déplacerait en réalité. Donc ce qui est en train d'essayer de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est que vous avez des puissances atlantiques qui défendent leur suprématie mondiale face à des challengers, la Chine et aujourd'hui la Fédération de Russie. Donc si les puissances atlantiques ne gagnent pas, pour tous les acteurs mondiaux, ça voudra dire que le pôle occidental, démocratique, plutocratique, dominé par les juifs, a perdu la suprématie mondiale. Donc évidemment, les conséquences sont incalculables, et c'est d'ailleurs pour cela que ces puissances mettent tout ce qu'elles ont dans cette guerre. Alors voilà, pour l'instant on reste au conventionnel, mais je pense que l'extension du conflit est inévitable. On en reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, mais je veux dire, il est évident qu'ils aimeraient beaucoup déstabiliser la Biélorussie pour en faire un vrai foyer militaire. Ça peut arriver demain, et probablement d'autres belligérants aussi. Il ne faut pas perdre de vue le Caucase qui a un potentiel de déstabilisation. Donc attention, je crois qu'on a déjà, on est déjà plus sur un conflit russo-ukrainien, mais déjà sur un conflit international entre l'Amérique, ses vassaux européens, et la Fédération de Russie, et la Chine qui sait bien et qui sent bien qu'elle est la prochaine sur la liste. Donc voilà. Donc si la défaite pour les plutocraties occidentales est au bout du chemin. Oui, là, ce sera un désastre comme il y en aura peu, qu'on pourrait peut-être comparer à l'Afghanistan pour la Russie soviétique, d'ailleurs. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Mais bon, on n'est pas devin, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Mais bon, pour moi, c'est une mauvaise affaire, hein, globalement. Hein. En fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'on se dirige vers une guerre d'attrition un peu similaire à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on arrive là sur une guerre de position, les Russes n'avancent plus trop, les Ukrainiens plus tellement, ils essayent des contre-offensives, mais ça bouge plus. Et donc, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que les ressources... En fait, la guerre se terminera où il y aura un recul des hostilités, du moins quand une des deux parties n'aura plus d'une des ressources clés. Donc a priori, les Russes ont toutes les ressources nécessaires sauf les hommes. Ils n'ont pas assez d'hommes, ou alors il faudrait qu'ils mobilisent encore davantage les hommes du pays, potentiellement les conscrits, ce qui est politiquement toujours très compliqué à faire. Ça crée de l'instabilité politique quand on envoie les conscrits. La France, ce qui s'est passé avec les événements d'Algérie dans les années 50 est un bon exemple. Et l'Occident a beaucoup de ressources, mais visiblement pas d'énergie, enfin, ou beaucoup moins d'énergie que ce qu'il lui faudrait. Donc elle risque de tomber à court de certaines ressources aussi assez rapidement. Donc en fait, là... Personnellement, je pense qu'on est à 50-50, c'est un peu un point de bascule, et on ne sait pas vraiment qui tiendra le plus longtemps. Alors, il nous prépare à une guerre longue, et c'est possible que la guerre soit effectivement encore assez longue, qu'elle dure des années, et qu'on aille un peu de mal en pis au niveau de la montée des hostilités. Rubrique numéro 1. La femme blanche de la semaine, hein, voilà, pas de misogynie bien entendu, c'est Liz Truss, nouveau Premier ministre britannique, qui a quand même eu c'est assez étonnant, mais qui a pu rencontrer Elisabeth II avant qu'elle ne décède, hein, en qualité de Premier ministre. C'est-à-dire qu'elle a, vous savez, tous les Premiers ministres doivent se présenter une fois qu'ils sont élus par leur parti. Au Parlement britannique, doivent se présenter auprès de la reine ou du roi d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, pour recevoir l'accord, hein, du monarque, afin qu'il forme un gouvernement. Et ça s'est passé, hein, voilà, ça a eu lieu, et Liz Truss a formé son gouvernement. Alors voici ce qu'on en apprend. Alors, c'est présenté de manière pudique par France 5, mais je vous livre ça. Royaume-Uni, les postes clés du gouvernement à des ministres issus de la diversité. Donc, reformulé en bon français, tous les postes clés du gouvernement britannique ont été remis à des non-blancs. On comprend mieux. Pour la première fois de son histoire, le Royaume-Uni ne compte pas d'hommes blancs aux quatre postes les plus importants de son gouvernement. C'est vrai que c'est pas rien, hein, je veux dire. Le Premier ministre Truss a choisi des personnes issues de la diversité avec toutefois le parcours classique de l'élite du pays. Liz Truss est la troisième femme à diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. Elle a été élue par la majorité des quelque 142 000 adhérents votants du Parti conservateur. Donc en fait, il fallait que le parti décide qui serait son leader. Et comme le parti contrôle la majorité au Parlement britannique, automatiquement, le chef du parti devient le chef de la majorité parlementaire, donc le chef du gouvernement. Vous comprenez? C'est un peu différent, c'est une culture parlementaire. On n'est pas habitué à ça en France, où on a un régime présidentiel. Alors, France 5 nous dit, parmi ces 142 000 adhérents, il y avait principalement des hommes âgés et blancs face à Rishi Sunak, petit-fils d'immigrés indiens. Donc c'était l'opposant principal à Liz Truss. Après avoir été reçu par la reine Elisabeth II, Liz Truss a annoncé mardi son gouvernement. James Cleverly est le premier noir à devenir chef de la diplomatie de la Grande-Bretagne. Il a grandi dans le sud-est de Londres avec une mère originaire de Sierra Leone. Donc voilà pour la diplomatie britannique. Kwasi Kwarteng est aussi le premier noir à occuper le poste de chancelier de l'échiquier. Il est le fils d'immigrés du Ghana, arrivé au Royaume-Uni dans les années 60. Il prend la suite de Nadim Zahawi, un Kurde né en Irak. Suella Braverman, dont les parents d'origine indienne sont arrivés au Royaume-Uni dans les années 60, depuis le Kenya et Lynn Morris, devient ministre de l'Intérieur. Quand elle avait été élue députée en 2015, elle avait prêté serment, sur le Dhammapada, un des textes bouddhistes les plus connus. Voilà pour quelques figures du nouveau gouvernement. Donc diplomatie, ministère de l'Intérieur, ministre des Finances, etc. Bon, voilà, tout ça est entre les mains de soit de Noirs, soit de gens qui viennent des anciennes colonies britanniques, etc. Est-ce que vous voulez commenter ce tournant majeur, symboliquement, de la gestion des affaires britanniques, puisque finalement, il n'y a plus de Britanniques pour gérer les affaires britanniques. Qui voudrait prendre la parole là-dessus? Démonstration par l'exemple que diversité veut toujours dire anti-blanc, et a fortiori anti-homme blanc hétérosexuel. C'est toujours pareil, on parle de diversité et d'inclusion, et le résultat final, c'est qu'il n'y a plus d'hommes blancs. Donc, à titre personnel, quand on me parle de diversité ou de ces choses-là, je dis oui, en fait, tu veux m'éliminer, tu veux que je disparaisse, que je sois là, parce que c'est ça que ça veut dire quand ils nous disent diversité, on s'ouvre à la diversité, en fait, on vire des blancs. C'est absurde, encore une fois, ils préfèrent. Pour peu que les politiciens aient un rôle important et que leurs compétences soient si importantes, mais on préfère virer des gens qui sont de notoriété publique compétents pour mettre des métèques, des bonnes femmes instables. Donc c'est stupide, c'est la stupidité du mal dont je parlais un peu plus tôt. Oui, détruire pour détruire. Hein. J'ai vu les profils ethniques, c'est vraiment très... C'est marron, hein. C'est marron, c'est l'Afrique, le sous-continent indien. Je me tourne vers Vincent, il est aux premières loges, alors oui et non, hein. il n'est pas au gouvernement britannique ou au Parlement britannique, donc il ne les voit pas tous les jours. Il est en Grande-Bretagne. Alors évidemment, la surprise n'est pas de mise, c'est certain. Ceci étant dit, en France par exemple... Je ne sais pas si on a eu le cas d'avoir tous les grands ministères aux mains d'Halogène. Bon, qu'en est-il en Grande-Bretagne? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Eh bien, moi, je pense que nous sommes dans une situation, en effet, complètement caricaturale. parce que comme s'il n'existait plus un homme blanc, au moins un, qui aurait pu être à l'un de ces quatre postes. Donc, vraiment, c'est la situation complètement caricaturale. Mais justement, ça confirme que le destin, la providence, appelez ça comme vous voulez, nous donne toujours des signes. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet événement? Ben, on y dit, regardez. Regardez vraiment, là, on place quatre non-blancs aux quatre postes principaux. Eh bien, ce qu'on nous dit avec ça, c'est pas ces quatre-là qui sont pour l'instant, enfin, qui sont maintenant importants. C'est que si à ces quatre-là, c'est qu'en aval, en amont, depuis des années, vous les blancs, vous vous laissez manger. Soit en accueillant tous ces gens-là, et même en parce qu'en Angleterre, bon, c'est un peu complexe, il y a le Commonwealth, mais vous accueillez ces gens des anciennes colonies, vous en faites venir d'autres, ou tout du moins les politiciens le font, vous ne réagissez jamais, vous réélisez toujours les mêmes politiciens, et bien maintenant, là, on vous donne un message très clair. Voilà, les quatre plus grands postes, c'est quatre non-blancs. Mais en fait, encore une fois, le message derrière, c'est regardez tous ces non-blancs qui sont en train de vous supplanter tous les jours, en permanence, le grand remplacement qui est en train de se faire. Donc on vous donne un signe cette fois, un signe très net. Et à force de, ben voilà, à force de laisser des halogènes arriver, eh ben vous allez vous faire submerger. Et je me rappelle avoir lu il y a des années un article, une étude dans la documentation catholique, des vieux numéros, avant vraiment le politiquement correct, où l'auteur racontait justement comment des peuples immigrés en arrivaient à prendre le pouvoir au bout d'un moment. Et il disait voilà, ils arrivent, bon, ben, ils sont ramasseurs de poubelles, balayeurs, femmes de ménage, ils lavent les toilettes, etc. On en est très contents. Puis petit à petit, ben, leurs enfants, par contre, ils vont à l'école, et puis ben, ils veulent pas forcément s'intégrer, non, pas du tout, et on y reviendra après d'ailleurs quand ils seront sur la reine, mais ils veulent au moins avoir leur part du gâteau, et ben, plus les générations passent, plus ces gens d'abord en général sont plus prolifiques que les peuples qui les ont accueillis, les enfants grimpent petit à petit dans l'échelle sociale, surtout s'il y a une incompétence dans le peuple initial qui était là. Et puis un jour, ben, ces gens-là, voilà, ils arrivent et ils prennent les postes clés. Et ce jour-là, l'auteur disait, ah, il y a une révolte du peuple initial, il y a une révolte des gens qui étaient de souche, comme on dit. Mais c'est trop tard. Et l'auteur disait, c'est trop tard, c'est fini. Maintenant, ils sont tous là. Vous avez pendant des générations, ou quelques générations, des fois ça va assez vite, vous avez laissé la chose se faire, c'est trop tard. C'est comme un peu si vous attendez que la marée monte, et puis lorsqu'elle commence à passer, vous dites, vite, vite, faut construire une digue. Mais c'est trop tard. Et je me rappelle, cet article était magnifique, magnifique. Donc, pour en terminer, ce qui arrive là, pour moi, c'est un signe. C'est un signe qui est envoyé à l'Angleterre, le destin, qui dit maintenant, les Blancs, vous voyez ce qui se passe là. Vous avez l'une des vôtres, une blanche, qui nomme elle-même quatre noms blancs. Si vous ne réagissez pas, eh ben, dans deux, trois générations, les blancs seront, non pas éradiqués, mais seront plus ultra minoritaires dans ce qui a été leur propre pays. Mais ce sera trop tard. Voilà donc pour moi comment j'analyse cette affaire, encore une fois, hein. Je veux dire, moi, j'en veux pas à ces quatre personnes. À limite, j'en veux même pas à Liz Truss. Justement, elle nous donne un signe. Moi, ce que j'en veux, c'est tous les gens qui vont dire, ah oui, oh ouais, c'est pas bien ça. Dis donc, il y a plus de blancs. Puis qu'après, ils vont aller regarder leur match de football, ou que sais-je. Et puis, qui diront, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Ben voilà. Ben, vous vous suicidez. C'est votre problème. Oui, la complaisance. La complaisance. Oui, c'est ça. C'est l'éternelle complaisance. Et après, ces gens-là, viennent nous dire, ah, mais c'est scandaleux, les crouilles dehors, etc. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années, pendant que moi, je me battais, pendant qu'on te prévenait? Relisez le passeport pour la victoire de Jean-Marie Le Pen, édité, je crois que c'était en 80, 88, 89, il y avait tout dedans, il y avait tout, tout était dit. Moi, on l'a retrouvé sur Internet avec mon collaborateur, j'avais plus le mien. Il y avait tout qui était dit. Et ben voilà, ça remonte à 35 ans. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien écouté. Bon ben maintenant, ne vous plaignez pas, c'est trop tard. Pour le Royaume-Uni, c'est très intéressant parce que rétrospectivement, on voit ce qu'a coûté la victoire de Churchill hein, contre Adolf Hitler. C'est-à-dire que moi, j'aime bien y revenir parce que surtout dans le souverainisme, c'est particulièrement pesant. Le souverainisme est probablement un objet politique parmi les plus inutiles qui existent. Et en France, bon, c'est la momie de Gaulle. Hein, ça, c'est bon, voilà, une momie, voilà, il la sort régulièrement. Et au Royaume-Uni, c'est Churchill. Alors, on nous présente ça comme étant vraiment les archétypes de ces pays. Mais ces gens ont détruit leur pays. C'est qu'ils ont pavé la voie de la destruction de leur pays. Et on y reviendra malheureusement jamais assez. Parce que comment comprendre le présent sans ne pas comprendre le passé ? C'est pas pour être passéiste, mais il faut quand même comprendre les racines du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 4 ministres au portefeuille clé en Grande-Bretagne, qui ne sont pas de race blanche, on ne peut pas le comprendre sans le rôle de Churchill. Churchill lui-même, d'ailleurs, qui se serait probablement offusqué de cette réalité, mais il a pavé la voie. C'est-à-dire que en combattant le racisme hitlérien, qui était d'ailleurs un racisme positif, qui était un racisme d'affirmation positive, qui n'a rien à voir avec la caricature qui en a été faite, à commencer par le fait que l'Europe était homogène racialement à l'époque, il s'agissait d'ordonner scientifiquement la question raciale. Bon, ils ont gagné au nom de la démocratie, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ces démocraties libérales ont commencé à se liquéfier, donc la Grande-Bretagne, qui était un empire mondial, a perdu son empire à cause de Churchill, premièrement. Dans la foulée, les anciens sujets colonisés sont devenus les colonisateurs. Très vite, ils sont arrivés en Grande-Bretagne. Il y en avait déjà avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième, et à partir de l'après-guerre, ils ont afflué en toujours plus grand nombre. Ensuite, là, c'est le fameux discours d'Enoch Powell, qui était candidat lui-même à la direction, comme Liz Truss, à la direction du Parti conservateur pour devenir Premier ministre, et qui a été battu par une coalition en fait, d'ennemis, qui avait comme projet déjà de remplacer le peuple britannique. Enfin, il y a des peuples britanniques, il n'y a pas un peuple britannique, mais pour remplacer les peuples britanniques par les nouveaux venus. Et c'est son fameux discours sur les rivières de sang qui est prophétique et qui est souvent cité, mais il avait bien vu ça. Et Powell n'était pas du tout un fasciste. Elle n'était pas du tout quelqu'un qui avait une conception autoritaire du pouvoir. Donc il était en cela très traditionnel dans ses conceptions. Il s'inscrivait vraiment dans la tradition politique britannique. Mais il avait bien perçu l'implication raciale de ce qui est en train de se dérouler dans les années 60. Et tout ce qu'il a dit s'est déroulé. We must be mad. Literally mad as a nation. To be permitting the annual inflow of some 50,000 dependents who are for the most part the material of the future growth of the immigrant descended population. It is like watching a nation busily engaged in heaping up its own funeral pyre. Bah la suite elle est là, c'est 50 ans. 40 ans, un peu plus de 40 ans après le discours de Powell sur les rivières de sang, bah la Grande-Bretagne est dirigée par des halogènes. Alors on pourra toujours discuter, c'est-à-dire oui, mais les grandes entreprises, la finance, etc. Oui, si on veut, mais enfin, l'appareil d'État est dirigé par des halogènes. Donc quelles politiques vont-ils mener au plan judiciaire, au plan diplomatique, bref, au plan régalien ? Bah, ça va être une politique pro-halogène et anti-autochtone. Donc ils vont importer toujours plus d'étrangers. Alors évidemment, ils en importent déjà énormément. Boris Johnson, le bouffon Johnson, qui est d'origine juive partiellement, je le rappelle, a importé jusqu'à 1 million de sujets nouveaux qui venaient principalement de l'extérieur de l'Europe. Donc là aussi, il faut méditer. Je parlais de la stupidité souverainiste. Là aussi, il faut tirer à boulet rouge sur cette mystification qu'est le Brexit. On s'en est gargarisé pendant des années. Alors certainement pas ici, mais la droite française n'a pas arrêté de nous en parler. Le Brexit, solution à tous les problèmes. Graal absolu. Oui, bon, ben voilà, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. Eh ben, ils n'ont jamais autant remplacé la population autochtone par des métèques que depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Pour une raison évidente. C'est-à-dire que maintenant qu'ils n'ont plus de Polonais, ils font venir des Pakistanais en encore plus grand nombre, des Indiens, des Noirs d'Afrique, etc. Et ça, c'est les statistiques officielles du gouvernement britannique, d'accord ? Il n'y a pas de trucage de chiffres. Et c'est revendiqué. Donc, le problème, si vous voulez, c'est l'élite en place. C'est pas le format institutionnel qui organise le pays. Si vous aviez demain des identitaires blancs à la tête de l'Union européenne, la même politique ne serait pas en vigueur, c'est évident. Alors, je ne dis pas que c'est une autre politique est même possible, c'est pas ça que je dis, mais je dis qu'il faut arrêter de se tromper, quoi. Je veux dire, si demain la France sort de l'Union européenne, bon, ben, écoutez, il ne s'est rien passé. Vous avez la même élite en place, qui fera la même politique, peut-être même en pire, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, et vous serez au même point, ou même encore plus bas, voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de combat. Donc, c'est, le problème vient des élites britanniques, et la démonstration en est faite depuis un siècle, voilà, et même plus en fait dans le cas de la Grande-Bretagne, parce qu'en fait ils ont systématiquement tout fait pour affaiblir l'Europe. Ils ont alimenté tous les conflits possibles et imaginables pour affaiblir l'Europe, ils affaiblissent même leur propre pays, ils remplacent leur propre peuple par le tiers-monde, parce qu'il y a du pognon à faire et que ça leur va très bien. C'est la logique mercantile quand même qui est très prégnante dans le monde dans le monde de tradition anglaise dira-t-on et voilà donc point barre hein, voilà donc non ce qui se passe je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent hein, je veux dire c'est pas étonnant hein, je veux dire voilà c'est la continuité, ça devient de plus en plus spectaculaire, le Brexit attrape couillon intégral donc désolé, hein, Nigel Farage. Non, mais je veux dire, en plus, Farage, ça c'est. Parmi tous les escrocs, il en est un beau, je veux dire, lui. C'est-à-dire, rappelez-vous que quand Farage a quitté la tête de son parti, il y a une femme qui a voulu. Donc, UKIP, il y a une femme qui a voulu prendre la succession. À la minute où cette nana a dit faut stopper l'immigration musulmane, Farage a dit on arrête le tir, cette nana n'a rien à voir avec ce que je veux faire, et il a relancé un autre parti à côté. Farage est une ordure. On se fout du Brexit, on se fout de l'Union européenne, on s'en fout. Vous n'avez pas l'Union européenne, c'est pas grave, vous aurez 27 gouvernements qui seront alignés sur Zog et qui vous remplaceront quand même. Ils changeront le nom, ils changeront le format, ils changeront les institutions, ils appelleront ça différemment, ils feront la même politique. Il n'y a pas de solution miracle, et ben non, je mets un petit bulletin dans l'urne, hop, tout d'un coup, le conte de fées, tout change. La révolution sans tirer une seule balle, sans suer, sans transpirer, sans difficulté, sans souffrance. Voilà, c'est extraordinaire. Non, c'est faux, voilà. Donc je crois que c'est vraiment un exemple spectaculaire de l'arnaque démocratique, de l'impasse démocratique, de l'impasse électorale. La Grande-Bretagne l'illustre parfaitement, à mon sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire, moi, là-dessus. Mais c'est spectaculaire. Oui, je voulais rajouter, en effet, ce que tu as dit, c'est très juste. C'est la logique finale, et ça m'amuse que tu aies dit ça, je voulais pas partir sur ce sujet-là, mais dans la vidéo que j'ai mise aujourd'hui en ligne, je reparle justement de cette logique infernale qui a été d'ailleurs inaugurée à Nuremberg. Parce que à Nuremberg, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui. Les vaincus, les nationaux-socialistes, ils ont été des gros antisémites, ça a été terrible. Mais on n'a pas dit que ça. On a dit, en fait, mais attention, ils n'ont pas fait que 6 millions de victimes juives, ils ont fait déjà 10 millions de morts dans les camps, sans compter tout ce qu'il y avait ailleurs. C'est-à-dire qu'à Nuremberg, on a dit, en pendant les nationaux-socialistes, on ne va pas pendre, on ne va pas condamner à mort l'antisémitisme, on va condamner à mort tout ce qui est discrimination, donc ce qui veut dire aussi racisme, xénophobie, ce qu'ils appellent hein, racisme, xénophobie, etc. Et ça s'est vu très rapidement, parce qu'avant même que le tribunal de Nuremberg rende son jugement, c'était le 1er octobre 1946, eh bien, avant même qu'il le rende, quelques jours avant, il y a l'épouse de l'ancien président de la chambre de commerce américaine a rencontré Truman et a dit hey, « mais, si vous jugez les nazis en disant qu'ils sont coupables de racisme, qu'est-ce que vous faites chez nous des gens qui lynchent les Noirs ?» Mais quand elle disait ça, elle parlait de tous les racismes et elle disait « Si vous le condamnez en Europe, vous devez condamner le racisme ici. » Et la semaine suivante, dans la course à un siège pour le Sénat, je crois, un démocrate et un républicain ont participé ensemble. Ils étaient adversaires dans l'élection, mais ils ont participé ensemble à une réunion antiraciste où ils se sont serrés la main hein, en disant attention. Et dans cette réunion, il y a un certain Henri Epstein qui a dit la démocratie et la discrimination ne peuvent coexister dans une société humaine. Donc, c'est-à-dire que, à partir du moment où le Troisième Reich a été réduit en cendres, c'est ce qui s'est passé, en ruine, eh bien, l'antiracisme s'est imposé directement. Et c'était logique. On a dit, si vous condamnez le racisme des nazis, entre guillemets, toujours, hein, pourquoi vous accepteriez d'autres racismes? Surtout de chez les Blancs, hein, parce que c'était les Blancs qui étaient mis en accusation. Hein, c'était, voilà. Et donc, on arrive aujourd'hui, comme tu le dis très bien, on arrive à la fin de cette logique-là. On arrive à la fin de cette logique qui a été posée à Nuremberg, et c'est pour ça que moi je disais souvent, ça m'échappait dans ma famille, et voilà, si Hitler avait gagné, on n'en serait pas là. Je disais souvent ça quand on avait des discussions à table avec mes enfants, voilà, je disais ça, s'il avait gagné, on n'en serait pas là. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer le national-socialisme sur certains points, etc. Mais n'empêche que, comme me disait un de mes amis philosophes, avec Hitler, tout était possible. Avec la démocratie, tout était fichu. Voilà. Et on le voit. Si vous permettez que je tire un peu le fil, à mon avis, ça date d'encore un tout petit peu plus loin. À mon avis, ça date vraiment de la guerre de 14, qui a posé les bases en fait de la Seconde Guerre, parce que il y a vraiment eu une cassure en 14. Je pense qu'on peut pas trop tirer les courbes de ce qui s'est passé pendant la Belle Époque et de dire ce qui s'est passé pendant la Belle Époque donne ce qui s'est passé ensuite aussi facilement que la guerre de 14, puisque les Britanniques, ils auraient pu ne pas partir en guerre contre les Allemands, ils auraient pu ne pas déclarer la guerre, et ils l'ont fait en dépit du fait que c'était vraiment contre leurs intérêts, et c'était encore beaucoup plus prégnant en 39, mais en 14, c'était aussi contre leurs intérêts, et ils ont fait cette guerre pendant 4 ans, ils ont envoyé leurs jeunes hommes mourir. Et ensuite, ils ont participé à Versailles, au traité de Versailles, et au fait de juger l'Allemagne responsable de tous les maux. Et à mon avis, c'était aussi les bases de dire, bon, bah, les Allemands, vous avez déclenché cette guerre, vous en êtes totalement responsable. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé, on peut juger un État, une fois qu'on a gagné la guerre, on peut le juger responsable de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc c'est et de ce qui s'est passé avant qui a mené à la guerre. Donc c'est en fait les bases de Nuremberg ont été posées à Versailles. Et donc les Anglais, en acceptant ce sacrifice de leur jeunesse, moins que les Français, ils ont perdu moins d'hommes que les Français, mais tout de même, eh ben ils ont accepté en fait de commencer à décliner. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique avait commencé à perdre de sa superbe. La livre sterling était à mal, était mise à mal. Ils avaient dû acheter beaucoup aux Américains. L'Empire britannique a commencé à péricliter. Les oppositions dans les Indes et dans les diverses colonies ont commencé à apparaître vraiment après la Première Guerre mondiale. Donc, à mon avis, la tendance a vraiment lourdement commencé avec la guerre de 14. Et effectivement, comme vous l'avez dit, après, il y a eu le coup de marteau de 1945 et tout ce qui a suivi. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, c'est tout à fait, on voit bien la logique. C'est-à-dire qu'en 1918, c'est l'article donc 235 du traité de Versailles, si j'ai des bons souvenirs, qui déclare l'Allemagne entièrement responsable, non seulement de la guerre, mais de toutes les dévastations qui ont eu lieu pendant la guerre. Et ils avaient préparé un tribunal international, enfin un tribunal des vainqueurs, pour juger les responsables allemands. Ils avaient même nommé un président, d'ailleurs, hein, mais ils ont reculé au dernier moment. Ils ont reculé, mais comme tu l'as très bien dit, Jean, là j'adhère à 100%, bien qu'ils aient reculé, c'était mis en place. C'est-à-dire qu'on avait préparé, et à la guerre suivante, alors c'était une guerre encore plus idéologique, on a mis en application ce qu'on avait seulement mis en place sans oser aller jusqu'au bout lors de la Première Guerre mondiale. Mais il est tout à fait vrai que cette Première Guerre mondiale a posé les bases de plein de choses après. Et j'ajoute juste un truc, quand on dit par exemple 350 000 morts à la guerre, ça fait 350 000 personnes en moins. Moi je m'élève toujours contre ça. Non, ça fait pas 350 000 personnes en moins. Parce que compter que sur ces 350 000 personnes supposées, allez, comptons même 200 000 se seraient mariés et auraient eu environ 4-5 enfants comme on avait à l'époque, ça faisait entre 800 000 et 1 million de personnes. Ça veut dire que 200 000 soldats, jeunes soldats qui meurent, la génération d'après, ça fait 1 million, entre 800 000 et 1 million de blancs en moins. Deux générations après, ça fait entre 3 millions et, un peu moins, disons 2 et 3 millions de blancs en moins. C'est pour ça que la guerre est une catastrophe. La guerre est une horreur, parce que tout ce sang blanc qui a été répandu, mais ce sont des dizaines de millions de blancs qui nous ont manqué. Il faut toujours voir ça. Oui, et des blancs de qualité. C'est particulièrement visible pour la paysannerie française, qui était vraiment d'excellente qualité. C'était vraiment un terreau de bonne population européenne qui a été... vraiment décimé. Enfin, moi, je peux en parler. J'ai fait des recherches dans ma famille. Une famille, donc, dans mes ancêtres, le père et les trois fils sont partis à la guerre. Ils sont tous les trois morts dans les trois premiers mois de la guerre de 14, ce qui est délirant. Mon sang a perduré par le côté féminin, mais ça fait des gros trous dans la démographie qui se voit encore d'ailleurs. Hein. La France a encore un déficit, il y a un creux au niveau des naissances qui auraient dû avoir lieu. Ça ne s'est toujours pas, uniformisé avec le temps. Donc c'est On a du mal à se rendre compte en fait des dégâts que cette guerre a fait et des répercussions encore. Enfin, je pense que aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est les pleines répercussions qui sont visibles sous nos yeux. Et j'aimerais rajouter quelque chose à propos de Churchill. Je pense que on ne soulignera jamais le côté délétère de ce sinistre personnage qui a beaucoup fait contre les Blancs et contre son propre pays, puisque en 1905, il était officier pendant la guerre des Boers, donc en Afrique du Sud, et qui, donc, il a contribué à minima par sa présence physique sur le terrain au génocide des Blancs d'Afrique du Sud et donc à leur affaiblissement et aujourd'hui à leur quasi... ils sont en voie de disparition en Afrique du Sud, c'est clair, soit ils émigrent, soit ils se font tuer par les nègres locaux. Et ensuite, en 14, quelque chose qui est assez peu connu, mais il a aussi eu un rôle dans le déclenchement de la guerre et dans le fait que l'Empire britannique est entré en guerre contre l'Allemagne en août. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, devrait figurer parmi les pires figures de l'histoire européenne. Oui, de loin. Alors tu disais les Britanniques ont perdu entre 250 000 et 300 000. En fait, ils ont perdu 900 000 hommes dans le premier conflit mondial. Donc, ah oui, pardon. Oui, je voulais le corriger quand même pour bien comprendre que le choix des... Donc ça vous dit le nombre de Blancs qui ne sont pas nés ensuite? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais donc, je veux dire, donc les Britanniques, les élites britanniques ont été à fond dans ce conflit et n'ont pas hésité. Alors, vous avez bien résumé hein, les conséquences pour l'Empire britannique, puisque en fait, les premières fissures sérieuses dans l'édifice se sont manifestées. Et Adolf Hitler, c'est très intéressant d'ailleurs, dans ses échanges avec l'ambassadeur de France, j'ai oublié son nom, c'était en 1938-39, hein, donc c'était... C'était Coulondre qui était ambassadeur de France. À cette époque-là, voilà. Et alors, il le reçoit à Berchtesgaden, et d'ailleurs, il l'écrira dans ses mémoires, effectivement, cet ambassadeur français. Et il dira, j'ai été reçu par Adolf Hitler. Alors, il dit d'ailleurs qu'il est... Il est impressionné par l'homme, il dit. Hein. Et alors Adolf Hitler, il le reçoit, vous savez, dans son grand salon. Il a cette grande baie vitrée très connue qui donne sur les Alpes bavaroises. Et alors il dit c'est un fait. On a le souffle coupé devant la vue qui est absolument extraordinaire. Et alors Adolf Hitler essaye un peu de faire le tour de la situation. Il dit bon, en dernière analyse, s'il y a un nouveau conflit éclate en Europe. Le monde blanc aura les plus grandes difficultés à s'en remettre. Et on ne doit pas le perdre de vue. Donc et alors, ce qui est marrant, c'est la réaction dans ses mémoires, hein, de l'ambassadeur qui est interloqué par cette remarque. Alors, si tu cites les mémoires, ce serait plutôt André-François Poncé, alors. Non, c'était pas Poncé. Ah bon, alors donc c'est Coulondre. C'est Robert Coulondre, hein, ça je sais, puisque je connais bien cette période. Oui, c'est-à-dire que c'était Poncé venait de quitter. Et, ah ben c'était Robert Coulondre. Voilà, Coulondre arrive. Donc là, on est vraiment à peu de distance de l'ouverture du conflit. Donc c'est vraiment les dernières tentatives d'éviter le conflit. Et Adolf Hitler, donc ils sont deux, hein, et Adolf Hitler insiste sur ce point, il dit attention, hein, si jamais il y a un conflit, le coup porté à l'Empire britannique sera décisif, pareil pour l'Empire français, et au plan mondial, il est évident que les peuples de couleur se révolteront de manière générale contre la présence européenne, en Asie, en Afrique, etc. Donc, il faut bien le mesurer, hein, voilà. Et ce qui est très, je le dis, hein, ce qui est très ironique, c'est la réaction dans ses écrits de cet ambassadeur qui est surpris de la remarque. Il dit en gros, qu'est-ce que c'est bien foutre sur la table ? Pourquoi parle-t-il de ça ? Je comprends pas. Il comprenait pas la notion de monde blanc, en fait. C'est assez surprenant. Et évidemment, l'annonce d'Adolf Hitler s'est avérée totalement juste. C'est-à-dire que, bon, il y a eu deux choses, et on va en parler ensuite, parce qu'on va parler évidemment de la disparition de la reine d'Angleterre, mais au fond, il y a eu deux attitudes, l'attitude française et l'attitude britannique, tout de suite en 1945, par rapport à leur colonie. Donc les Britanniques, finalement, fidèles eux-mêmes, très pragmatiques, enterrent assez vite leur empire colonial. C'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire qu'ils ont justifié l'entrée en guerre contre l'Allemagne à deux reprises au nom de la préservation de l'Empire, et une fois que la guerre en 1945 est terminée, bon, c'est une question de 2-3 ans, et on enterre l'Empire. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que finalement, oui, bon, allez, c'est une formalité, comme si au fond, ça n'avait jamais été véritablement l'enjeu, vous voyez ? Bon, évidemment, c'était pas l'enjeu, on le sait, mais ça n'avait pas été vendu aux masses britanniques de cette façon-là. Les Français, eux, et ça, c'est très révélateur aussi du caractère français. Les Français, par leur réaction, démontrent qu'ils n'étaient pas dans le premier cercle des décideurs. Parce qu'eux ont réagi en disant « Attendez, maintenant on va reconstituer l'Empire. C'est bon. Les Boches ont perdu, on reconstitue l'Empire. » Et là, les grands décideurs ont dit « Attendez un instant, là. Le but n'est pas du tout de reconstituer les empires coloniaux. Les Français ont foncé tête baissée. Et les témoignages sont clairs que les Américains ont tout de suite essayé de saboter les colonies françaises, avec l'aide des Soviétiques d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ils ont tout de suite, ils ont mis la main là-dedans. Et les Français se sont entêtés, d'abord, bien sûr, en Indochine, et en Algérie. Donc il y a eu 20 ans de guerre coloniale, pratiquement, inutile, parce qu'elles ont toutes été perdues, parce qu'elles étaient ingagnables. Et voilà. Avec d'anciens SS. Ah bah oui, bah là on a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais je veux dire, les Britanniques n'ont pas eu cette... ils ont enterré l'affaire en 3 ans, les Français, ils ont mis pratiquement 2 décennies à admettre que c'était terminé, quoi. Que c'était fini, que l'ère coloniale était terminée. Et alors que De Gaulle, De Gaulle lui-même justifiait sa résistance depuis les colonies, parce que De Gaulle, tout de suite en 40, là, pour essayer de se créditer comme principale figure de l'opposition à Pétain et, comment dirais-je, à la reconnaissance du fait militaire de la défaite, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les colonies, il essaie de rallier les colonies. Il dit, la lutte continue, je suis l'autorité légitime. Il va dans quelques colonies en disant, est-ce que vous me reconnaissez comme le véritable chef légitime ? Et c'est ce qu'il fait en Afrique noire. Et localement, ça se passe plus ou moins bien. Enfin, c'est pas les nègres qui décident, évidemment. Hein. C'est l'administration coloniale locale. Bon, selon certaines associations, amitiés, affinités, bon, ça c'est autre chose. L'argument étant, nous allons défendre l'empire colonial français, nous allons reprendre pied en métropole, nous allons écraser l'Allemagne, et on repart comme c'était avant. Rien ne change. C'était l'argument de De Gaulle. De Gaulle qui va, et c'est l'histoire qui l'a démontré, qui sera le fossoyeur de l'empire colonial français. C'est assez extraordinaire de voir comment ces histoires sont mêlées. Quoi. Voilà. Alors, on n'est pas là pour refaire l'histoire de l'empire colonial, mais enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup de le noter, c'est-à-dire que Churchill et De Gaulle ont enterré les empires coloniaux britanniques et français en se posant comme étant leurs principaux défenseurs face à l'Allemagne, alors qu'Adolf Hitler, avant le conflit, leur a dit « si un conflit éclate en Europe, vos empires coloniaux s'effondreront, et ce n'est pas ce que je veux, parce que ça serait un coup décisif à l'influence du monde blanc sur le reste de la planète. Et ce n'est pas ce que je veux. Ça serait foncièrement contre-productif pour nous, tous collectivement. » Donc, voilà. En effet, Adolf Hitler avait vraiment beaucoup de respect pour l'empire colonial britannique, et dans toute sa diplomatie des années 30 et même pendant la guerre, dans ses propositions de paix, il essayait de proposer aux Britanniques des conditions qui lui permettaient de laisser fleurir son empire. Notamment, les Allemands ont même proposé pendant la guerre, une des conditions de paix, c'est qu'ils aideraient les Britanniques d'un point de vue militaire à défendre leur empire ou à l'organiser finalement. Donc Adolf Hitler avait vraiment compris en fait, et c'est ce que cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, a été finalement. Ça a été vraiment toute l'histoire de la domination de la race blanche sur le reste du monde. Elle s'est terminée et elle a pris fin à cause de la défaite d'Adolf Hitler. Et Adolf Hitler l'avait parfaitement compris. C'était en fait l'anti-1914. Il voulait revenir sur tout ce qui avait été fait et décidé depuis 14. C'était notre chance, notre main tendue du ciel pour en sortir. Et malheureusement, à cause de l'enjuivement des démocraties occidentales, ça a été perdu. Oui, et ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient très très prophétiques, et notamment il y avait Kettels qui a écrit un livre qui s'appelait donc Le culte de la race blanche, et ça date de 35 ce livre. Et il dit, attention, si la race blanche ne reprend pas son ascendant sur le monde entier, les peuples de couleur vont prendre nos techniques, et il parlait des jaunes déjà. Il disait les jaunes vont s'emparer de nos techniques et vont faire exactement les mêmes objets finis que l'on fait, mais à beaucoup moins cher. Et ils vont nous renvoyer leur camelot à beaucoup moins cher, et ça va être la fin de toutes nos industries, etc. Il avait vraiment écrit des pages prophétiques sur ce qui allait se passer. Donc il y avait tout un ensemble de gens, en effet, qui avaient vu, mais qui sont restés minoritaires, qui sont restés, hélas, voilà, trop trop minoritaires. Et d'ailleurs, Louis-Ferdinand Céline l'avait parfaitement vu dans une lettre qu'il a écrite en avril 42, où on lui demandait son opinion sur la question juive, et il a dit la question juive, avec Darquier, enfin avec Valla, qui était commissaire aux questions juives, hein, avec Valla sans Valla, avec Darquier sans Darquier, avec Darquier sans Darquier, avec Ribouille ou Totoche, de toute façon, dans cette France enjuivée, tout ce que vous pourrez faire, toutes les mesures que l'on pourra prendre, se termineront avec une seule chose seulement, et les grimaces. Et il disait, Aujourd'hui, c'est plus la question juive qui devrait se poser, c'est la question arienne. Il avait bien compris que, avec ces peuples blancs qui étaient déjà décadents, la victoire serait sans doute très très difficile et que ce serait la fin après. Donc on peut dire, moi j'aime pas spécialement Céline, j'aime pas son style, ce que je veux dire, hein. Mais j'avoue qu'il avait certaines préciences qui étaient extraordinaires, et cette lettre est très très intéressante. Look to the future. That will kill us for the flag to fly. We won't surrender, we won't give in. We'll fight the fight, and we will win now. Stand up beside us. People now, mass graves. Join the battle, join the few. Stand up for your race and your nation too. We know the traitors are in our midst. They're not running like the others did. Stand up beside us. How about they? Stand up against us. Alors messieurs, la disparition de la reine d'Angleterre est évidemment la nouvelle de la semaine, et cela mérite que l'on s'y attarde. Évidemment, c'est très largement commenté, mais cette disparition s'inscrit dans la discussion, la discussion que nous allons avoir à propos de la disparition de la reine d'Angleterre s'inscrit dans celle que nous avons eue suite à la nomination du nouveau Premier ministre britannique et de sa politique raciale implicite consistant à nommer des non-blancs en poste clé de son gouvernement. Donc je pense que nous avons déjà posé les jalons de nos échanges là-dessus, et nous allons pouvoir continuer avec cette disparition. Alors, en guise d'introduction, je dirais ceci, et bien sûr je vous donne la parole, c'est que les Britanniques, les élites britanniques, par aveuglement ou par hypocrisie, ont cru pouvoir concilier les deux possibilités, c'est-à-dire, finalement, embrasser totalement le projet globaliste, hein, qui était celui inscrit déjà dans les guerres mondiales auxquelles l'Empire britannique a participé, tout en préservant sa puissance, sa cohésion, ce qu'il croyait être ses valeurs, et les apparences de, eh bien, de ses valeurs. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une révolution culturelle qui est en cours à travers le monde occidental, qui est une révolution culturelle au sens le plus strict du terme, hein, et qui est donc raciale, parce que la race conditionne la culture. Donc les bouleversements démographiques qui sont très largement commentés dans notre émission ont des conséquences culturelles et politiques. Mais les Britanniques prétendaient pouvoir faire la révolution culturelle sans changer les apparences de l'ordre social. Et donc la couronne britannique semblait permettre cette continuité. Vous voyez, c'est-à-dire que les choses changent, mais au fond elles ne changent pas, c'est rassurant. Et me semble-t-il qu'avec la disparition d'Elisabeth II, et au contraire, ce qui va se produire, à mon avis, c'est non seulement la disparition de la société anglaise, britannique, telle qu'on l'a connue par le passé, non pas que la reine en elle-même, enfin qu'Elisabeth II en elle-même conditionnait, mais symboliquement, tout le monde comprend qu'il y a il doit y avoir une espèce de symbiose, d'harmonie entre le représentant de la nation et l'état de la nation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une continuité, une résonance. Et que cette rupture profonde avec la disparition de cette reine, après 70 ans de règne, va être suivie par une mise à jour, et, à mon avis, par le bas, et la réalité va finalement prendre le pas. Donc je pense que le prince Charles, on parlera un peu du prince Charles après, mais bon, on connaît ses orientations, donc on sait à peu près vers où ça va aller. Mais je crois qu'il y a là un rattrapage éclair qui va avoir lieu, et pas pour le meilleur, à mon sens, du point de vue britannique, mais voilà ce que je pense. Maintenant, je vous donne la parole. Vous avez pris connaissance, évidemment, de cette disparition. Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, au plan britannique, et éventuellement, si vous voulez aussi, sur les réactions, on va dire, en France, et même dans le monde, je veux dire, voilà, hein, je veux dire, si vous avez des choses à dire là-dessus. C'est quelque chose qui est effectivement très symbolique, surtout parce que la reine n'a pas de pouvoir en Angleterre. Pourtant, vu comme elle a été saluée, elle a été acclamée dans le monde entier par des entités qu'on pensait pas, disons, attachées à la monarchie britannique. C'est assez étonnant, mais bon, quand on connaît les causes profondes, c'est moins étonnant que ça. Mais en fait, la monarchie anglaise est particulièrement dégénérée. Quand on voit ce qui est ses accointances avec un certain Epstein, qui était très très bon copain avec le prince Andrew, qui est, me semble-t-il, il est pas deuxième en ligne de succession après Charles. C'est ou alors non, Charles, ça passe. Hein. Oui, c'est son frère, mais donc en ça va passer fils. Aux enfants. Ouais, ouais. C'est le frère de Charles, mais ça va passer aux enfants de Charles d'abord avant que ça vienne à lui. Mais bon, en tout cas, il était très adepte des jeunes blanches de 13-14 ans que lui fournissait Epstein. Il y a plusieurs photos aussi où on voit le prince Charles, qui est roi maintenant, soumis aux Rothschild. On le voit pointant du doigt sur sa poitrine. Et en fait, c'est dans la continuité historique parfaite de ce qui s'est passé depuis 300 ans dans la monarchie britannique, c'est-à-dire qu'elle s'est soumise aux puissances juives à la fin du XVIIe siècle pour obtenir son pouvoir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé la création de la Banque d'Angleterre, qui a été un véritable tournant en fait dans l'histoire financière et l'histoire européenne, puisque avant, l'usure était interdite. Les royaumes européens chrétiens interdisaient l'usure, ou alors avaient tendance à la bannir. Et le fait qu'une des grandes puissances européennes accepte le système de banque centrale et le système de la Banque d'Angleterre, qui a permis de faire tout un tas d'écritures comptables frauduleuses avec le temps, ça a en fait complètement changé la dynamique des nations. Et en fait, ce qui s'est passé depuis, c'est que le royaume d'Angleterre a été en guerre permanente avec tout un tas de puissances, donc au départ particulièrement avec son voisin, la France, qui a d'ailleurs beaucoup souffert au XVIIIe siècle, qu'elle n'avait pas accès à l'argent papier, elle se l'interdisait, alors que les Britanniques ont largement eu recours à ça, ce qui a d'ailleurs beaucoup affaibli la France, et lors de la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle, et ce qui l'a forcé à signer une paix qui était assez peu avantageuse pour la France. Et puis ensuite, bon bah l'histoire britannique, à partir du moment où ils ont accepté ce système, comme ils avaient un système financier frauduleux géré par les Juifs, ils étaient systématiquement obligés de s'étendre vers l'extérieur et de faire de la prédation de ressources en dehors du royaume. Donc bon, il y a eu des phases de colonisation en Amérique du Nord. Ils ont été plus actifs que les Français, ce qui ont fait qu'ils ont pris le dessus. Mais pas que, ils ont aussi soumis des nations, ils ont empêché par exemple la France de créer un système continental, parce que ça a été une véritable lutte économique à mort entre la France et l'Angleterre. On connaît le fameux épisode où les Rothschild font un coup de poker en annonçant la victoire de Napoléon à Waterloo, alors que c'est l'inverse, pour s'emparer de... Oui, en fait, ils avaient déjà financiarisé énormément le système, et ils avaient permis, par la financiarisation à outrance, de créer des fortunes comme ça, comme les Rothschild. Et en fait, bon, pour être honnête, d'autres expériences d'argent papier avaient été créées en France, par exemple, au début du XVIIIe siècle, à la mort de Louis XIV, mais ça n'avait pas marché parce qu'il n'y avait pas l'assise prédatrice que les Anglais ont eue depuis 300 ans, sur le reste du monde. Et en fait, dès que leur système d'argent papier, donc de fausse monnaie, en fait, pour étendre un peu mon propos, ils expliquent qu'un bout de papier, par exemple, vaut 100 livres, et contre ces 100 livres, vous pouvez échanger un certain nombre de biens et de services. Et ils prétendent que à la banque d'Angleterre, il y a les ressources nécessaires pour répondre à l'échange de ce bout de papier contre, par exemple, de l'or ou de l'argent ou d'autres biens. Et ils ont toujours mené un système fractionnaire qui faisait qu'ils n'avaient jamais suffisamment de ressources pour rembourser les gens. Et ils ont été les premiers à en fait, être très forts sur ce système grâce aux Juifs et aussi grâce à l'aval de la monarchie britannique. Et il y a un autre exemple aussi que j'aimerais donner dans les guerres incessantes que les Anglais ont menées jusqu'à en fait le déclin de leur empire après la Première Guerre mondiale dont je parlais plus tôt, c'est la guerre contre la Chine, les guerres de l'opium, qui ont forcé les Chinois à ouvrir leur marché, parce que les Anglais étaient en balance commerciale systématiquement déficitaire vis-à-vis des Chinois, ce qui rappelle beaucoup d'ailleurs la situation américaine actuelle. Et donc, pour les forcer à rééquilibrer la balance, ils ont fait la guerre aux Chinois afin qu'ils acceptent de leur acheter leur opium, donc pour intoxiquer la population chinoise, ce que l'empereur chinois refusait absolument. Et ça, les Chinois ne l'ont jamais digéré, cette humiliation au milieu du 19e siècle, qui a fait que les Anglais ont continué avec leur système mercantile, libre-échangiste, pour peu qu'ils menaient suffisamment de guerres pour maintenir leur système. Et une fois que l'Empire britannique a périclité, il y a eu un passage de relais à l'Empire américain, qui en fait... Ils vivent en symbiose, les deux pays, simplement le point de bascule s'est fait et il y a eu un transfert du centre de gravité vers Washington de l'Empire, mais les Britanniques sont restés en fait membres de l'Empire. Les Américains ont passé tout le XXe siècle à fomenter des guerres. Et là aussi, le début du XXIe siècle est particulièrement belliqueux de leur part, avec systématiquement l'aide et l'aval des Anglais. Et en fait, ce que la monarchie britannique représente, c'est la continuité de ce système de dette qui appelle systématiquement à la guerre. puisqu'on refuse de rembourser ses dettes ou d'équilibrer ses comptes. Donc on fait la guerre systématiquement. Donc là, actuellement, l'Empire est en déficit chronique, il est très malade. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de déclencher la guerre avec les Russes et les Chinois. Cette monarchie, finalement, je pense qu'elle s'en ira avec la fin de l'Empire. Et Elisabeth II était en fait une sorte d'autiste du protocole. Les gens ont une certaine admiration envers cette reine parce qu'elle a toujours maintenu le protocole, elle a toujours maintenu les choses de manière visible. Enfin, simplement, l'aspect visuel, elle a toujours maintenu le protocole. Mais dans les faits, elle a jamais refusé quoi que ce soit qui aurait fait qu'elle aurait pu protéger son pays. Donc maintenir le protocole, c'est bien à la marge, mais ça ne dicte pas le comportement d'un homme ou d'une femme d'État, en tout cas. C'est du Donc, fétichisme, quoi, en gros. Oui, voilà. Donc, pour conclure, je pense que je peux conseiller la lecture d'un livre en anglais qui s'appelle A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind de Stephen Mitford Goodson, qui est un excellent livre sur la manière dont les Britanniques ont vraiment pris l'ascendant, et il explique bien dans son livre que la monarchie britannique a joué un rôle très très important en fait dans ce qui s'est passé avec la mise aux mains du système financier européen des Juifs. Ouais. Alors il y a plusieurs choses que t'as fait une bonne synthèse. C'est très difficile de passer comme ça en quelques minutes sur quelque chose aussi vaste. Donc t'as fait ça très bien. Il y a deux trois points qui ont retenu mon attention. C'est notamment effectivement la tentative des Britanniques de pénétrer la Chine depuis l'Inde essentiellement. Et il y a un homme qui a joué un rôle important dans cette tentative de pénétration pour le compte de l'Empire britannique, c'est le juif Sassoon. Donc le juif Sassoon incarne très bien la symbiose, j'aime beaucoup le terme, entre la monarchie britannique et la juiverie internationale. C'est devenu tellement symbiotique qu'on ne peut pratiquement plus les séparer. Si je ne m'abuse. Oui, Rothschild et Lord. Me semble-t-il d'ailleurs que les membres de la famille royale britannique se font circoncire. Me semble-t-il. Il y a des éléments qui reviennent constamment, puisque quand vous voyez les tentatives de la CIA de déstabiliser la Chine, c'est toujours les mêmes portes d'entrée. Et c'est jamais un hasard. Ça fait un moment qu'on ne nous a pas parlé du Tibet parce qu'on nous parle des Ouïghours. C'est qu'une question de temps avant que la question du Tibet redevienne à la mode. Donc on va nous remettre le Tibet. Et quand on connaît l'histoire de l'Empire britannique, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre en fait que tout de suite, au XIXe siècle, il y a eu une course de vitesse entre les tsars russes et l'Empire britannique pour pénétrer la Chine. Et les Britanniques, étant présents en Inde, se sont dit « bah, on va attaquer par le Tibet ». Et ils ont été voir donc les agitateurs de moulins à vent, et on leur a fait miroiter, je ne sais quoi. Et depuis ce jour-là, on raconte n'importe quoi sur cette histoire d'indépendance. Ils auraient été indépendants, c'est une fiction. Ça n'a jamais existé, le Tibet indépendant. Ça n'a jamais existé, c'est faux. Il y a juste un petit passage de l'histoire du Tibet, mais ils ont toujours été intégrés dans la sphère d'influence chinoise, toujours depuis longtemps. Et les Britanniques avaient besoin de pénétrer en Chine, et c'est là qu'ils ont senti qu'il y avait des choses à faire. Alors il y a toute une série d'histoires passionnantes d'ailleurs sur les tentatives britanniques, à Lhasa, comment essayer de fomenter des troubles, il y a des choses vraiment très intéressantes, et c'est d'ailleurs à mettre au crédit des Chinois, je dois le dire, des communistes chinois d'ailleurs, d'avoir mis un terme en fait à la tyrannie absolument délirante qui exerçait les moines tibétains sur la petite société tibétaine, avec des usages, à faire pâlir, si vous voulez, nos sociétés médiévales à nous, parce que qui sont éclairées par comparaison, hein. je passe là-dessus. Donc, on va nous remettre ça sur la table. D'ailleurs, et c'est ce qui c'est intéressant, c'est que quand l'Empire britannique a commencé à s'épuiser après la Deuxième Guerre mondiale, la CIA a tout de suite repris les anciens réseaux britanniques au Tibet pour poursuivre l'effort. Hein, et ils n'arrêteront jamais d'ailleurs par la suite. Bon, ça c'est en aparté. Mais la figure centrale de cette tentative de déstabilisation, c'était le juif Sassoon. D'ailleurs, qui continue, alors à un bien moindre niveau, mais qui continue d'être la famille Sassoon qui continue d'être une famille de la petite galaxie sociale britannique. Voilà, enfin, les juifs baignent totalement dans l'écosystème britannique. Et rappelez-vous aussi récemment la campagne féroce contre Jeremy Corbyn, alimenté par les juifs, de la manière la plus outrancière qui soit, jusqu'à le faire tomber de la tête du Parti travailliste. Donc Corbyn avait des sympathies au Moyen-Orient, il était peut-être subitement d'ailleurs islamophile au Royaume-Uni, mais il voyait bien qui étaient les donneurs d'ordre au Royaume-Uni. Et c'est quelqu'un qui était, je crois, foncièrement, j'allais dire, qui avait conservé sa fibre de révolutionnaire de gauche, en quelque sorte. Donc, il y avait une certaine sincérité chez Corbyn. Et ils l'ont abattu. Et alors, c'est les juifs internationaux qui sont mobilisés. On a vu Netanyahou se mobiliser. On a vu toutes les figures de la juiverie internationale se mobiliser. Même en France, hein, la LICRA et compagnie. Et récemment, quand Mélenchon a reçu la visite de Corbyn lors de la campagne législative, les réseaux juifs se sont déchaînés. Raphaël Enthoven, le youtre Enthoven, s'est déchaîné contre Mélenchon, vous voyez. Et parce que Corbyn avait identifié, bien sûr, d'où venait le problème au Royaume-Uni. Et que s'il voulait faire... Alors, je ne dis pas que sa politique était nécessairement juste, mais en tout cas que s'il voulait une véritable politique populaire... Elle entrerait en confrontation avec les élites et les véritables donneurs d'ordre du pays, c'est-à-dire, en un sens, les juifs. Alors, ils l'ont putché. Donc, c'est vous dire à quel point, encore aujourd'hui, les juifs sont les maîtres du Royaume-Uni. Absolument, totalement, de manière évidente. Alors, ils utilisent des gens de couleur qui mettent dans leur ministère pour faire croire que les gens de couleur, en quelque sorte... sont les vrais donneurs d'ordre, que c'est les Indiens qui donnent les ordres, que ce sont les Noirs qui donnent les ordres. Mais non, c'est pas les Noirs ou les Indiens qui donnent les ordres, ce sont les Juifs qui donnent les ordres. Donc voilà, entre quatre murs, ils répéteront toujours la même chose. Et Boris Johnson, alors lui, c'était encore plus grotesque, il était d'origine juive partiellement. D'une part, il visitait dans sa jeunesse les kibbutz en Israël, il a toujours été une carpette face à Israël, etc. Donc, je passe là-dessus. Donc, ça, c'était le premier point. Enfin, je m'inscris dans ce que tu dis sur la prégnance du facteur juif au sein des élites britanniques et au sein de l'aristocratie britannique et évidemment de la monarchie britannique. Tu as souligné le fait que le frère de Charles, Andrew, était un client privilégié de Jeffrey Epstein. Il y a des photos qui circulent qui montrent Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, juive elle-même, mère Mackerel, dans la résidence personnelle de la reine à Balmoral. Donc, si vous voulez, les proxénètes juifs avaient les clés du chalet personnel de la reine. Donc, c'est vous dire, il n'y a pas de distinction, ce sont les mêmes gens. Alors, comme tu le dis ensuite, quand tu vois la reine avec sa couronne et ses trucs, parler son anglais châtié, ça c'est pour le grand public, c'est pour abuser l'opinion britannique d'abord et l'opinion mondiale ensuite, c'est pour faire croire que les traditions européennes avec ses châteaux, tout ça est respecté, vous voyez, c'est l'image de carte postale, alors que quand vous grattez un peu, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les plus gros juifs internationaux en mouvement. Et tu avais raison aussi de le souligner, le prince Charles a décoré à de nombreuses reprises Rothschild, pour ne citer que cela. Et bon, je donnerai la parole à Vincent ensuite, mais le prince Charles, bon, bah, c'est clair, il va à Davos, prendre la parole sur une thématique qui revient constamment, le réchauffement climatique. D'accord ? Donc, c'est lié à la guerre contre la Russie, puisque la guerre contre la Russie est un prétexte pour couper les approvisionnements en énergie fossile, gaz, pétrole et autres vers l'Europe. Donc, subjuguer l'Europe continentale aux puissances atlantiques juives, Angleterre, États-Unis, puisque l'Europe péninsulaire étant complètement dépendante pour ses approvisionnements, elle va devoir se retourner vers qui ? Ah, le Qatar, d'accord ? Ah, Israël, qui découvre des champs gaziers en Méditerranée, tiens, c'est convenable, ça tombe bien, au bon moment. Le gaz de schiste américain, enfin, c'est une farce. Donc voilà, donc l'Europe devient encore plus un dominion de cet empire, voilà, bon. Après, il y a les gogols qui ne voient rien, qui pensent que c'est une question de, je sais pas, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Ukraine. Mais c'est pour les cons, c'est pour les cons. Qui est à la tête de l'Ukraine ? Le juif Zelensky. Voilà, donc, c'est la même tribu, ce sont les mêmes gens qui font les mêmes choses depuis maintenant des siècles. Il y a ceux qui le comprennent, ceux qui ne le comprennent pas. La parole de Macron était très drôle, à l'occasion de la disparition. S'exprimant en anglais, alors là, bon, là il a, je veux dire, là, encore un niveau en dessous. Enfin, non, je veux dire, Macron s'exprimerait en anglais en Angleterre. Bon, c'est une chose. Mais là, il est à l'Elysée, il parle en anglais. Bon, bah, d'accord, donc si vous n'avez pas compris que vous êtes une colonie de comment dirais-je, de cet empire global, bon, bah, là, on ne peut plus rien pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, je vais vous le faire en français, quand même, je vais vous épargner mon anglais. Il dit, bon, pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était la reine. Ah bon ? La France républicaine est en fait une monarchie. J'avais perdu deux siècles d'histoire parce que quotidiennement, on nous dit la République, la centralité de la République. Ils insistent, la République, pas une République, pas une République française parmi toute une myriade de républiques. C'est la République, il y a cette centralité presque religieuse. Les valeurs de la République. Hein, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas moyen d'être autre chose que d'être un républicain en France. Et puis là, soudainement, ah non, non, non, il y a la reine, il y a la reine, oh, voilà, tu vois. Alors, espèce de monarchisme, comme ça, qui nous tombe sur le... Ah oui, mais attention, hein, on se trompe pas. C'est une reine anglicane, totalement inféodée aux juifs, saluée par le Bnaï Brit, donc la franc-maçonnerie suprémaciste juive, et toutes les puissances maçonniques du monde. On s'entend bien, hein, c'est pas une monarchie d'ancien régime de droit divin catholique, attention, hein, sinon elle serait absolument honnie et combattue. Non, non, c'est bien une monarchie qui s'inscrit, comme aujourd'hui Bergoglio dans un autre registre au plan religieux, dans la gouvernance globale, hein, dans le nouvel ordre mondial. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est la reine, voilà. Donc bon, cet unanimisme, en fait, doit nous interpeller. Et j'en termine enfin. J'ai remarqué que l'Action française était émue, hein, par la disparition d'Elisabeth II, qui apparemment incarnait toutes les vertus dont ils aimeraient qu'un hypothétique roi de France soit paré. Eh bien, je passerai mon tour en ce qui me concerne. Voilà. Vincent, éventuellement ? Oui, rapidement. Alors, pour reprendre ce qui a été dit, c'est vrai que finalement, première chose, l'Empire britannique, qui a été après un bastion du capitalisme, nous a montré en effet tous les méfaits de ce système, puisque comme le capitalisme part de l'argent dette et condamne tout le monde à la dette, eh bien, il condamne tous les pays à rembourser toujours plus qu'ils n'ont, puisque la dette c'est ça, hein, vous avez, il y a en gros un banquier dispose de 100 francs, 100 euros on dirait aujourd'hui, il le prête à des gens et en disant, bon ben je vous prête, j'ai tout l'argent, je vous le prête, mais il faudra me rendre 120, parce que je vous fais il y a un taux d'intérêt de 20%. Il est évident que quand on a prêté 100 euros aux gens, pas leur demander 120. Donc à partir du moment où on part avec une dette, la dette va être éternelle, elle ne peut plus diminuer, c'est pas possible, puisqu'après il y a les intérêts sur la dette, et donc ça pousse les gens à toujours conquérir des marchés. Et avec le capitalisme, en effet, on a vu vraiment des puissances se lancer à l'assaut de tous les pays pour grappiller, pour piller, que ce soit des ressources, des matières premières, enfin, pour avoir le pouvoir, pour se mettre dans leur poche des potentats locaux, ça déstabilisait tout. Et un exemple que moi je connais bien et qui a été dramatique, il y a plus de 20 ans maintenant, c'est l'Irak. L'Irak et le Koweït. Il faut savoir que l'Angleterre, pourquoi elle a eu des intérêts au Koweït, c'était à l'époque parce que c'était sur la route des Indes. Et il voulait en gros maîtriser toute la route, donc tous les pays qui étaient sur cette route. Et alors ils se sont mis dans la poche un espèce de potentat local koweïtien à qui ils ont fait signer un accord pour devenir une protection britannique. Mais à l'époque, il faut savoir que le Koweït était on disait un Kaimakam, je ne sais pas comment dire ça dans l'anglais là-bas, mais c'était tout simplement un département de l'Irak. Et finalement, l'Angleterre, par ses manœuvres, a arraché ce département, l'a pris. Alors ensuite, après, il y a eu les découvertes du pétrole. Voilà, ça en a fait un département en or, noir, mais en or. Et finalement, ça s'est achevé avec cette fameuse guerre avec l'Irak. Hein. Une guerre catastrophique, une guerre terrible, une guerre où les armées ont utilisé l'uranium appauvri à tout va. Enfin, ça a été abominable. Donc, c'est toujours ce capitalisme qui, en fait, est obligé de faire de la prédation perpétuelle pour gagner des nouveaux marchés, puisque à partir du moment où vous devez rembourser plus d'argent qu'il n'en existe, il faut forcément avoir de ce qu'on appelle de la croissance. Et on est en perpétuel besoin de croissance, donc besoin de consommation, besoin de nouveaux marchés, etc. Et ça a absolument déstabilisé tout le monde, que ce soit vers la Chine, vers l'Afrique, etc. Donc ça a été vraiment une calamité. En effet, l'Empire britannique a été l'un des principaux, pas le seul, mais responsable du capitalisme qui est devenu la toute-puissance. Donc ça, c'était la première chose, en effet, que je voulais dire. Alors, à propos d'Elisabeth II qui a maintenu le protocole, oui, c'est tout à fait symptomatique, encore une fois, c'est des signes que nous envoie le destin. C'est tout à fait symptomatique de cette société bourgeoise qui est une société de l'apparence. Hein, comme disait Drummond, la maison bourgeoise, c'est la maison où la boule de cuivre en bas de l'escalier est bien cirée, la moquette est parfaite, et il faut s'essuyer les pieds avant de rentrer dans la maison. Il faut pas faire de bruit quand vous êtes rentré dans votre propre chambre. Mais dans votre propre chambre, vous pouvez vous livrer à toutes les turpitudes que vous voulez. Personne ne vous dira rien, donc vous pouvez être un débauché fini. Eh bien, c'est vrai que la famille royale anglaise, sur la fin, on a vu que malgré ce respect du protocole, sans mauvais jeu de mots, sans jeu de mots de mauvais goût, par derrière, c'était pas génial. Hein. Voilà. Et alors, ce qui m'a frappé, alors une petite anecdote que vous connaissez peut-être pas, vous en France ici, c'est que les Anglais quand même tiennent toujours un public pour la reine, puisqu'il y a une tenancière, une patronne d'un fish and chip, un fish and chips en Écosse, qui a sabré le champagne quand elle a appris que la reine était morte. Elle a fait circuler sa vidéo, une vidéo de 30-40 secondes, je crois, sur les réseaux sociaux. En disant elle est morte, super, etc. Elle a été obligée de fermer sa boutique, il y a eu une foule qui s'est amassée devant et elle a dû être ramenée chez elle, escortée par la police, qui maintenant est postée devant sa boutique. Des gens ont lancé des œufs, auraient sûrement voulu faire pire, donc il y a eu tout un petit scandale autour de la... Oui, j'ai suivi ça. Moi... Comment ? J'ai suivi ça. C'est intéressant les réactions parce que en Irlande, les autorités irlandaises ont respecté une espèce de deuil, etc. Mais l'opinion irlandaise était absolument déchaînée. Dans les stades de foot, ils chantaient en anglais Liz is in a box. Donc en gros, Elisabeth, donc c'est Liz, c'est un diminutif. Hein, donc Liz ou Lisette est dans la boîte. Liz is in a box. Donc elle est crevée parce que les Irlandais ont terriblement souffert de l'impérialisme britannique, mais à un point qu'on n'imagine pas. Ça a été l'occupation de l'Irlande a été d'une violence à travers les siècles qu'on ne se représente pas. Et ces peuples-là en ont tellement souffert qu'aujourd'hui encore, il n'est pas du tout question d'enterrer la hache de guerre. Peu importe ce que font les bourgeois irlandais au pouvoir, le peuple a exulté de joie. Et il y a de bonnes raisons à ça. Parce que quand vous connaissez l'histoire de l'Empire britannique, les guerres qu'ils ont déclenchées partout, c'est simplement incroyable. Donc tu pointais du doigt le Koweït, l'Irak, mais l'existence même de l'Arabie Saoudite est une création britannique. Donc l'Arabie Saoudite wahhabite qui finance le terrorisme international, qui radicalise à outrance depuis 50 ans maintenant, voire plus, des pays pauvres, pour y recruter des fanatiques, enfin, qu'ils ont fanatisés dans un premier lieu, pour ensuite aller les déverser dans les champs de bataille, qui intéressent non seulement les intérêts britanniques, mais les intérêts américains, ça laisse des traces. Et ça, c'est le résultat du démantèlement de l'Empire ottoman. Faut pas oublier ça, vous voyez. Donc, l'Empire ottoman a été détruit, le califat a été détruit, mais ça ne s'est pas traduit par un apaisement du monde musulman. Ça s'est traduit par la constitution, sur ordre notamment des Britanniques, de petits potentats sunnites, sciemment radicalisés, qui sont des vassaux, et auxquels on demande de fournir des hommes. L'exemple, c'était la Syrie. Hein. Donc, Bachar al-Assad, qui a été diabolisé dans tous les médias français, les médias anglo-saxons, les médias juifs, présenté comme un démon, etc. C'est un homme en costard-cravate qui, ironiquement, a fait ses études de dentiste, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, enfin, qui est un gentleman par tous les aspects. Donc, ça transparaît dans sa personnalité. Son éducation, enfin, c'est probablement un des hommes du Proche-Orient qui est le plus proche de nous culturellement. C'est cet homme-là que les Britanniques ont cherché à détruire. Même racialement, hein, il a les yeux verts et il est très blanc de peau. Oui, bien sûr, mais alors, ils ont essayé de l'abattre pour le remplacer par quoi? Il fallait regarder toute la faune puante, grouillante de poux, fanatisée, camée, armée jusqu'aux dents par l'Arabie Saoudite, encadrée par les services britanniques et la CIA. Voilà ce qu'ils voulaient nous foutre à la tête de la Syrie. C'est ça l'Empire britannique, encore aujourd'hui. Alors c'est plus un empire colonial au sens strict, ils n'ont plus de colonies pratiquement, sauf quelques confettis, mais les services britanniques continuent d'être là. Ils continuent de déverser de l'essence sur tous les incendies possibles et imaginables. Et ça fait le lien avec le Caucase, ça fait le lien avec l'Ukraine, puisqu'un des grands géopolitologues britanniques, Mackinder, a théorisé le contrôle de l'Ukraine pour la domination mondiale. Hein, on ne peut pas réécrire l'histoire. Et qu'évidemment, ce qu'ils ont allumé en Syrie, ils veulent leur allumer dans le Caucase, donc en radicalisant le Daghestan. S'ils peuvent demain renverser Kadyrov pour foutre des djihadistes avec l'aide de l'Arabie Saoudite, ils vont le faire, ce sont leurs clients, hein. Il faut savoir que toute la cour d'Arabie Saoudite est encadrée par des agents britanniques. Toute la cour. Les agents britanniques sont à l'entrée des portes des princes saoudiens. Ils sont à l'entrée de leur chambre. Les gens ne savent pas tout ça. Donc bref, si vous voulez, ces gens jouent un rôle terrifiant. Donc les peuples, c'est pour ça que le peuple irlandais, c'est un peuple qui sort du lot, parce que c'est une petite île, ils étaient quelques millions. Au moment où ils ont déclenché l'insurrection contre les Britanniques en 1916, la Grande-Bretagne est au sommet de sa puissance mondiale. Et ils ont réussi, alors le soulèvement en 16 a raté, mais ça a déclenché une suite d'événements qui va leur permettre 5 ans plus tard de proclamer l'indépendance. Ça a tellement frappé l'imaginaire mondial de tous les peuples qui étaient sous la botte des Britanniques, qu'ils n'en sont pas revenus. Et même Lénine a été stupéfait de ça, à tel point qu'il a demandé d'ailleurs aux Irlandais de l'aider. Ils en étaient là. Bah, Lénine avait de bonnes raisons, puisque les Britanniques avaient déployé des troupes sur son territoire. Bon, ça c'est autre chose, ça c'est toute la guerre civile et ça. Enfin bon, je veux dire, les Britanniques, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de cœur. Ils sont prêts à tout. Les gens se rendent pas compte. Je veux dire, les gens se rendent pas compte. Donc quand vous les voyez pleurer sur la reine d'Angleterre avec du pathos, etc., c'est vraiment pas savoir ce que sont les Britanniques et ce à quoi ils sont prêts. Parce que eux, éliminer 10 millions, 20 millions, 30 millions de personnes, ça leur fait pas froid aux yeux. Hein. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre des bourgs, toutes les guerres périphériques qu'ils ont menées dans leur empire colonial, ce qu'ils sont encore en train d'allumer depuis une trentaine d'années avec l'aide des États-Unis, ça montre ce dont sont capables ces gens. À côté de ça, les Français, quand ils essayent de fourrer leur nez là-dedans, parce qu'ils ne peuvent pas trop s'empêcher, les Français, ils essaient toujours plus ou moins de se greffer sur les trucs. Alors d'abord, on dit aux Français d'abord qu'ils ne sont pas les bienvenus, parce que ce n'est pas des anglo-saxons, déjà, pour commencer, ou des juifs, donc ça ne se passe pas bien. Et puis les Français, c'est des enfants de cœur à côté. Ces enfants de cœur. Oui, d'ailleurs, on l'a vu il y a dans un épisode, dans un événement dont personne n'a commémoré le 80e anniversaire, mais c'est l'échec du débarquement à Dieppe, en 1942, en juillet 42, enfin pendant l'été 42. Il faut savoir que après, les Britanniques ont fait prisonniers des soldats allemands. Mais suite à leur débâcle, bon, il y a eu des libérations, et les Allemands se sont aperçus comment les Britanniques avaient traité les prisonniers, notamment en les enchaînant d'une certaine façon, où si tu bougeais, tu t'auto-étranglais, etc. Ça a fait à l'époque tout un scandale, et d'ailleurs, après, les Allemands ont dit « on va faire des représailles sur les prisonniers britanniques ». Alors, les représailles, ça n'a pas été leur faire la même chose, mais ils ont été traités, je veux dire, sans aucun égard par rapport à la façon dont avaient été traités les prisonniers français. Hein, les prisonniers allemands, tu veux dire? Non, les prisonniers, oui, mais pardon, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, c'est de ma faute. Et les Allemands ont traité les prisonniers britanniques bien moins bien qu'ils n'ont traité les prisonniers français de 1940. Là, ils avaient été, les prisonniers français ont été mis dans des stalags, bien traités. Par contre, les prisonniers britanniques, beaucoup moins. Parce que justement, ils avaient découvert les méthodes de voyous que les Britanniques avaient utilisées. Hein. Donc, c'est un peuple méchant. C'est ça. C'est un peuple, alors je ne sais pas, je n'en parlerai peut-être pas ce qualificatif, mais qui peut être très cruel, oui, quand il mène des guerres où ses intérêts sont en jeu. Oui. Et on le voit avec l'Amérique, qui, comme a dit Jean avec raison, qui est une excroissance qui est une excroissance britannique. Bon, après, il y a des différences, naturellement, il ne faut pas non plus trop caricaturer, mais c'est un peuple hyper violent. Le peuple américain, la police américaine, alors je dis pas qu'elle a toujours tort, c'est pas ça, hein, mais c'est les Français seraient extrêmement surpris de voir la violence qu'il peut y avoir. Hein. Bon, nous on en a, c'est vrai qu'on en a un petit aperçu, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes choses. Les Français, en effet, à côté, sont des enfants de cœur. Non, les Français n'ont pas cette méthode-là. Alors, dernière chose que je voulais dire par rapport à la reine d'Angleterre, c'est pas par rapport à elle-même vraiment, mais vous voyez, quand j'entends des gens, des Français qui me disent « mais les étrangers s'intègrent, ils sont là pour s'intégrer, ils vont s'intégrer », j'aurais envie de leur demander, s'ils étaient en face de moi, « avez-vous vécu à l'étranger vous-même ?» En général, on s'aperçoit que ces gens-là sont toujours restés en France. S'ils ont été à l'étranger, c'est pour des vacances, mais pas pour des longs séjours. À cause de mon militantisme, moi, j'ai d'abord été obligé de vivre, j'ai vécu 11 ans en Belgique. Voilà. Ensuite, je suis revenu en France, j'ai eu un aller gratuit de Bruxelles à Valenciennes, payé par l'État français, mais avec des menottes dans le dos. Bon, c'était un peu moins agréable, mais enfin bon. Et de là, je suis parti en Angleterre. C'est-à-dire que j'ai passé quand même une grande partie de ma vie en exil. Bon, eh bien, en Belgique, je me suis, même 11 ans après, je me sentais absolument pas belge, à aucun moment. Je veux dire, et ici, en Angleterre, ça fait 7 ans que j'y suis, la reine meurt, ça ne me fait rien. C'est-à-dire, je ne me sens pas du tout britannique. Absolument pas. Et je l'avoue humblement, hein, ma grande peut-être honte, mais moi j'ai de la sympathie pour le peuple britannique tel qu'il est tous les jours. Hein. Je ne parle pas quand il y a des guerres, mais bon. Donc, je me sens bien avec les Britanniques, moi. Ça va, j'ai aucun problème. Mais je ne me sens pas du tout britannique. Tout comme je me sentais bien avec les Belges, mais je ne me sentais pas du tout belge. Donc, ces gens en général qui nous font des grands discours sur l'intégration des EU et des étrangers, je pense qu'ils n'ont jamais été un étranger dans un pays, justement. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas qu'on ne troque pas sa nation parce que si, parce que ça. Et avec l'histoire de Liz Truss tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était très intéressant, puisqu'on a parlé de Suella Braverman, donc, qui a été élue députée en 2015. Ses parents, donc ce sont des gens d'origine indienne, ses parents arrivent dans les années 60. Elle, elle naît ici. Donc, depuis toute petite, elle est en Angleterre. On pourrait dire, bon, bah, si les parents conservent encore des traits indiens, enfin, des traits, je parle de caractère, hein, pas physique, bon, bah, la fille, elle doit être complètement occidentalisée. Non! Quand elle prête serment sur le Dhammapada. C'est-à-dire, en fait, ce sont les versets du Bouddha, hein, c'est tout. C'est le livre avec, je crois, à peu près, il y a 26 chapitres, je crois, sur les versets du Bouddha. Donc, ça veut dire que 55 ans après environ, enfin, une cinquantaine d'années, un demi-siècle après l'arrivée de ses parents en Angleterre, cette femme va prêter serment sur un livre sacré bouddhiste. Pas du tout sur la Bible ni sur autre chose. Voilà pourquoi tous ces discours en disant « Non, mais il s'intègre, il n'y a pas de problème », ce sont des discours de gens qui n'ont jamais été étrangers dans un pays. Et je le répète, moi, pour avoir été étranger des années, pour avoir été obligé de partir de France, donc pour avoir été étranger des années dans deux pays, on ne s'intègre pas. Et j'ajouterai aussi pour finir, mes enfants en Belgique, certains étaient nés en Belgique, ne se sentaient pas belges. Pas du tout. Quand il y avait du foot, ils regardaient... Je veux dire, il vibrait plus. Bon, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas compris tous les enjeux. Hein. Mais c'était l'équipe de France. L'équipe de Belgique, ils s'en moquaient complètement. Quand ils arrivaient en France, ils arrivaient chez eux. Quand on les emmenait chez les grands-parents, quand je passais, ils se sentaient chez eux, dans leur pays. À aucun moment, ils se sentaient belges. Et pourtant, certains, je le répète, étaient nés en Belgique. Allaient à l'école en Belgique, mais ils ne se sentaient pas belges. Donc c'est pour ça que je dis, faites très attention à tous ces discours. Surtout vous qui n'avez pas vécu, qui ne savaient pas ce que c'est de vivre en dehors de chez soi et qui vous pensaient que bon, ça va, ils vont s'intégrer. Non, non, non, non, non, c'est pas vrai. Lorsqu'en 1492, les Arabes ont été chassés d'Espagne, bien sûr qu'il y a eu des croisements, mais c'était encore des Arabes, et pourtant ils étaient arrivés plusieurs siècles auparavant. Mais non, 600 ans après, il y avait toujours cette différence. Voilà ce que je tenais à dire à propos de ça. Oui, a fortiori, les Juifs qui changent de pays toutes les deux générations. Oui, voilà, notamment. Oui, oui c'est ça. Et il n'empêche que... D'ailleurs, je vous donne juste une petite anecdote. Il y a un dessin qui est paru sous l'occupation qui était très drôle. C'est peu après la défaite française. On voit un journaliste juif qui dit à un de ses collègues français, parce qu'il sait qu'il va plus pouvoir travailler en France, il dit, ouais, j'ai trouvé un poste à Montevideo. Et le français lui dit, oulala, mais c'est loin. Et le juif lui répond, loin d'où? Et c'est tout à fait ça. j'ai trouvé ce dessin très fin, parce que le juif n'est pas caricaturé vulgairement, mais c'est ça. C'est loin, mais loin d'où? Moi, rien n'est loin pour moi. J'ai beaucoup aimé ce dessin qui pourrait s'appliquer à beaucoup de gens, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est très juste. Là, on a vu les manifestations J'en suis assez content d'ailleurs de les manifestations d'hostilité des allogènes contre l'institution monarchiste en Grande-Bretagne ou la non-présence de gens de couleur à Londres. C'est-à-dire qu'il y a eu des commentaires assez drôles en face de Buckingham Palace lors de l'annonce du décès de la reine. Se sont précipités tous ceux qui se sentaient concernés, émus et qui ont voulu témoigner leur solidarité avec la famille royale d'Angleterre. Et pour la première fois depuis très très longtemps à Londres, il y avait une foule intégralement blanche en fait. Et alors, les commentaires sous ces vidéos sur Twitter, hein, qui étaient très largement partagés, hein, c'était des vidéos qui étaient très vues, des centaines, des millions de fois, les allogènes rigolaient, ricanaient, vous savez comment ils font. Ce n'est pas du tout étonnant d'ailleurs, mais il y avait une dichotomie entre ce que dit d'elle-même la société britannique multiculturelle, inclusive, avec sa reine, parce qu'Elisabeth II, depuis longtemps, professe l'antiracisme, l'intégration des minorités raciales, de l'islam, etc. Le prince Charles lui-même, dès les années 90, a expliqué que l'islam était au cœur de l'identité européenne, etc. Donc ça fait très longtemps que cette monarchie est pourrie, mais aussi par ses protagonistes actuels. Donc, ils se disent, ah ben voilà, on sert la soupe à tout le monde, on va tirer les marrons du feu. Et puis là, l'épreuve arrive, Elisabeth II meurt, la capitale est complètement remplacée, il n'y a que des blancs qui arrivent, et tous les allogènes qui manquent à l'appel rigolent sur Twitter. Et là, je dis, bah c'est bien fait pour cette monarchie, c'est bien fait pour cette clique d'aristocrates qui a vendu son pays, ou plus exactement son peuple, au plus offrant. Voilà, c'est tout. Tant mieux, ni plus ni moins. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, il faut pas être naïf, hein. Je veux dire, quand il s'agissait, parce que moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut hein, sur la reine d'Angleterre, mais au bout d'un moment, on me dit, la reine d'Angleterre n'a pas de pouvoir. C'est faux, ça c'est faux. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire qu'elle n'a pas les pouvoirs de police. Etc. Non, mais c'est pas le sujet. Je veux dire. Elle est la reine d'Angleterre ou la reine du Royaume-Uni. Elle a quand même une autorité. D'abord, elle est la chef de l'État, déjà, pour commencer, mais elle a quand même une autorité morale. Rien ne l'empêche de prendre la parole et de dire, ben voilà, le pays va dans une mauvaise direction. Vos politiciens, actuellement, prennent de mauvaises décisions. Je ne dis pas ce que vous devez faire, mais je constate que les choses ne vont pas bien. Et il est de mon devoir, de monarque, de vous le dire. Regardez l'état de notre capitale. C'est ça le rôle d'un chef, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont et de sonner l'alarme quand il y a lieu. La reine était très heureuse d'expliquer que toute cette immigration, c'était extraordinaire, que cet islam déferlant, parce que vous avez qu'à regarder les grandes villes du Royaume-Uni, c'est pas triste, hein, Manchester et compagnie, c'est pas quelques pelés hein, qui se rassemblent pour le ramadan, hein, c'est des centaines de milliers de gars, okay, ils sont en train de coloniser agressivement le pays. Bon, elle était aux abonnés absents, ils étaient pas là. Donc elle n'a pas rempli sa tâche. C'était la pire monarque de l'histoire de Grande-Bretagne. La pire de la pire de la pire de la pire. Sous ses yeux, son pays a été démantelé, submergé, colonisé. Sa capitale est méconnaissable. Quand elle est devenue reine dans les années 50, Londres était une ville blanche. Aujourd'hui, c'est une ville du tiers-monde. Peut-être qu'il y a beaucoup d'argent qui afflue, donc ils peuvent se payer des infrastructures, mais le peuplement est un peuplement du tiers-monde, n'est-ce pas ? Tout dépend du quartier, quoi. Oui, alors, sauf l'enclave blanche, là, dans quelques endroits, mais je veux dire, c'est un comptoir du système globaliste. Les Britanniques sont une minorité à Londres, d'accord ? Et encore, on n'a pas tout vu, parce que la démographie continue. Elle n'a rien dit, elle est restée silencieuse, elle a trahi, n'est-ce pas ? Donc, et là, j'en termine. Les gens, les monarchies, c'est bien nous sermonner avec ça en disant que la monarchie, je sais pas, vous mettez un roi à la place d'un président, ça change tout. Ça change rien. Vous êtes grand remplacé par un président aux États-Unis, vous êtes grand remplacé par un président en France, vous êtes grand remplacé par une reine en Grande-Bretagne ou bien avec la complicité d'une reine en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que ça change? La même clique est au pouvoir et vous applique la même politique. C'est pas une histoire d'institution. C'est ça que je veux dire, quoi. Alors quand on voit les abrutis essayer de nous vendre ça, alors là, de grâce, si vous voulez, éviter. C'est insulter l'intelligence des gens et le bon sens des gens. Oui, Hitler l'avait bien vu, j'en termine là aussi. Il y a une page de Mein Kampf où il dit que peu importe la forme du gouvernement, l'important c'est l'esprit de ceux qui sont en train de gouverner. Et j'avais trouvé cette page frappée au coin du bon sens. Ah bah, Adolf Hitler, quand il va en Italie, et on en termine, on passe au dernier sujet de l'émission, mais il arrive en Italie, il va voir Mussolini. Alors Mussolini est le chef incontesté de l'Italie fasciste. Mais le protocole impose qu'ils doivent d'abord saluer le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, me semble-t-il. Qui est, d'ailleurs, pour l'anecdote, tout petit. Il est vieux et tout petit. Mais vraiment tout, tout petit. Hein, je veux dire, je crois qu'il est 1m50, 1m60 maximum. Mais vraiment un nain. Et là, il confie à ses proches. Il dit, bon, je me suis retrouvé là, au milieu de ce protocole grotesque, avec tout ce fatras d'aristocrates inutiles, ce roi de lait grotesque, et j'avais à côté l'homme fort d'Italie qui acceptait de se soumettre à ce... Il dit que c'était intolérable. Il a dit, quand je suis revenu en Allemagne, ce qu'il avait fait, arrêter tous les dirigeants de la social-démocratie, bon, ils étaient dans des prisons dorées, hein, il leur donnait des pensions, vous savez, ils avaient des pensions, ils n'étaient pas maltraités, hein, ça c'est les gens noirs d'après-guerre, hein, même les chefs communistes, ils les avaient en tôle, mais c'était dans des appartements privés en réalité. Et il disait, bon, bah, je me suis rendu compte du cadeau qu'ils m'ont fait en renversant toute la bande du Kaiser et compagnie. J'ai augmenté leur pension sur le chemin du retour dans le train quand j'ai vu ce que subissait Mussolini. Voilà, tous des dégénérés. Et c'est exactement ça en Europe. Les dernières cours qui existent, c'est des ramassis de dégénérés. Il n'y a rien à sauver de tout ça, qu'on nous foute la paix avec ces histoires de d'ahuris couronnées. Qu'on arrête, s'il vous plaît. Arrête, se négrifie. Les princesses européennes ont tendance à se porter sur les nègres. J'aimerais revenir rapidement sur le fait que la reine avait ou non du pouvoir. Alors, effectivement, là on touche à un problème des Blancs, à mon avis, qui sont extrêmement légalistes. Et j'avais compris ça en lisant une brochure des années 50 qui définissait les différentes races sur la planète, et ils avaient défini l'homme blanc comme l'homme qui vit selon des lois. Et ça m'a toujours choqué de voir à quel point les gens sont légalistes dans tout un tas de pays. En France, par exemple, on a les gens qui pensent que Macron devrait être destitué parce que des articles obscurs du droit et de la Constitution, et il a violé ci. Et ils pensent qu'en fait... Asselineau, hein. Oui, voilà. En fait, ils pensent qu'on va s'en sortir avec le droit. On pense qu'on va s'en sortir avec la Constitution, alors que c'est jamais le cas. En fait, ce qui définit, à mon avis, et je pense que on devrait trouver des références qui suggèrent ça, qui définit le pouvoir politique, c'est le discours qui est suivi d'actes précis. Donc, si la reine d'Angleterre décidait un beau jour, disons dans les années 70, de dire Sir Enoch Powell a raison, nous faisons face à un grand risque, et je décide d'outrepasser mes droits habituels et de le nommer Premier ministre pour régler ce risque, je pense que la nation britannique l'aurait suivi. Je pense qu'elle aurait pu le faire. Alors peut-être qu'il y aurait eu des oppositions, mais en tout cas, elle aurait pu. Et je pense que c'est aussi d'autant plus marquant si on pense à Donald Trump, là, en 2021, fin 2020-2021, quand il s'est fait voler l'élection de manière outrancière. C'était un véritable coup d'État contre lui qui a été mené. Je pense que si c'était adressé à la nation le 9 ou le 10 novembre, quelques jours après les élections, et il avait dit... nous faisons face à un coup d'État, j'appelle tous les Américains qui sont fidèles à la Constitution et au respect de la nation américaine à se lever, et voici les ennemis, le FBI, la CIA, l'État profond à Washington qui est pourri et il le sait parfaitement. Il aurait été suivi. Alors on sait que Trump est une grande déception, il est enjuivé jusqu'à la racine. Avec sa fille et son gendre, mais c'est pour dire qu'à mon avis, 60 millions d'Américains l'auraient suivi. Et c'est ça qui définit un chef politique. Il en avait pas le droit. La Constitution lui offrait pas la possibilité, quoique, on peut en discuter, mais il avait pas le droit d'appeler les Américains à prendre les armes et à protéger la Constitution et les règles du système. Mais s'il l'avait fait, il aurait été suivi. Et c'est ça qui définit l'action politique. C'est pas les règles, des choses obscures. Parce que les gauchistes, ils passent leur vie à ne jamais respecter quoi que ce soit, à empiéter sur la Constitution. On peut prendre l'exemple très très récent du Covid, qui a violé toutes les constitutions des mondes occidentaux. On peut pas enfermer les gens de force comme ça, les astreindre à des amendes et à des privations de liberté de manière totalement arbitraire. De la manière dont ça a été fait. Et pourtant, ça a été fait parce que ça a été des discours et des décisions qui ont été suivis d'actes. Donc, quand on dit que la monarchie britannique n'a pas de pouvoir, c'est totalement faux. Oui, elle a un ascendant moral évident comme institution. C'est absolument juste. C'est ce que je disais en substance, que la reine pouvait s'exprimer, prendre la parole et mobiliser l'opinion publique britannique si elle l'avait voulu. Elle ne l'a jamais voulu pour des raisons évidentes, mais oui, c'est certain de ce point de vue-là, tout à fait. Et ça aurait été très compliqué, même ça aurait été intéressant de voir d'ailleurs, parce qu'il faut savoir parfois tenter le destin, de voir finalement ses opposants proposer d'abolir la monarchie. C'est ce qui serait passé, hein, d'abolir la monarchie, de proclamer la République. Et ça aurait été intéressant parce que finalement elle aurait rempli son rôle et l'histoire aurait été au rendez-vous. Voilà, la suite des événements aurait tranché. Mais elle aurait été, voilà. Alors que là c'était une reine pour amuser la galerie, comme le prince Charles en fait. C'est ça qui va se passer avec le prince Charles. C'est-à-dire que bon, le type est évidemment pas à la hauteur. Enfin, je veux dire, c'était bon, c'est une espèce d'outre au joues rouges. Bon, c'est avec ses grandes oreilles, il ressemble à rien. Mais il va jouer l'idiot de Davos et il va dire voilà, on va mourir et il faut. Qu'est-ce de raisonnant? Un peu comme Bergoglio. C'est-à-dire que Bergoglio, c'est un bouffon. Une espèce de bouffon là, qui joue le faux pénitent avec sa gueule de pisse vinaigre qui fait semblant. Alors que le mec, vous voyez, il gonfle à force de baffrer, quoi. C'est ça, quoi. Le type, il rentre au Vatican au début. Vous regardez, il a gagné 20 kilos, quoi. Voilà, à force de se gaver. Et ben, c'est ces mecs, ils affichent des mines, des confites en disant voilà, la pauvreté dans le monde. Ça, c'est d'une farce, vous voyez. Donc, toutes ces institutions sont ces institutions qu'ils ont reçues entre leurs mains, mais qui n'ont pratiquement plus de capacité d'entraînement, et le peu qu'ils ont, ils le liquident. Ce sont des liquidateurs. Donc le prince Charles sera un liquidateur. Bon, Bergoglio, là, je pense qu'il va pas tarder à passer l'arme à gauche. On va voir quel pantin ils vont mettre. Ça risque d'être assez drôle. Etc., etc. Enfin, on sent, c'est pour ça que je pense que les ambitions des plutocraties occidentales me semblent très au-dessus de leurs moyens, parce que quand on voit la qualité du personnel qui dirige l'Occident, il n'y a personne, quoi. Ni à la tête des États-Unis, ni à la tête de la Grande-Bretagne, à la tête de la France. Je parle même pas de l'Allemagne, où c'est... Ils sont un... Oui, Scholz a l'air un peu moins fou que les autres, mais bon, de pas grand-chose. Voilà, donc je pense qu'ils ont pas le... Ils n'ont pas le niveau à mon sens. En fait, ils sont assis sur des acquis. Et ça leur donne une forme d'arrogance, mais à mon avis, ils auront des surprises. Le truc, c'est qui va leur entrer dans la gueule, vraiment, franchement, avec des gros moyens, quoi. C'est ça, quoi. Mais ça va vite s'écrouler, hein. Parce que quand vous regardez von der Leyen à la tête de l'Union Européenne, enfin, c'est une blague. Enfin, je veux dire, l'espèce de permanente complètement idiote, là. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, comment ça se fait même qu'ils arrivent à se maintenir au pouvoir? Oui, il y a un côté, et j'en finis là, mais on a l'impression que toutes ces démocraties pourries, quand on regarde les visages de leurs dirigeants, on a vraiment l'impression des empires centraux en 1914, quoi. C'est-à-dire que, bon, ça avait notre gueule, hein, je vous l'accorde, mais on sent que c'est que ça demande qu'à se casser la figure, quoi. Que c'est, voilà, c'est... Les apparents, on sait que s'il y a un gros coup de pied qui heurte la paroi, tout va voler en éclats. On le sait, on le sent, parce que ces gens n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force. Ils ont l'arrogance, mais ils n'ont pas la force. Ce qui va venir après, ça, je ne sais pas. Mais on sent que ces gens-là n'ont que l'arrogance de leur classe et n'ont pas d'ascendant sur les masses. Et c'est vrai du monde occidental en général, d'ailleurs. Je pense que le monde occidental va avoir une très grosse surprise. Parce que les Chinois, là, ils sont discrets, encore. Les Chinois n'ont pas décidé de taper trop fort. Pour l'instant, il n'y a que Poutine qui décide de durcir un peu le ton. Un peu, je dis. Attention, pour avoir des grosses surprises. Si ces gens décident de s'énerver pour de vrai, ça ne sera pas la Syrie, ça ne sera pas la Libye, hein, ça sera autrement plus solide. Et évidemment, quand on regarde l'état de nos sociétés, au niveau des fondamentaux, éducatifs, moraux, technologiques, industriels, c'est évident qu'il n'y a pas le répondant derrière. Quoi, voilà. Alors messieurs, comme je le disais en début d'émission, les choses se précisent un peu par rapport à l'Ukraine et à l'extension du conflit. Et c'est un peu étrange la façon dont le destin se forge, puisque on passe par la Pologne. C'est assez surprenant sans l'être. Et c'est une information qui n'aura probablement pas attiré beaucoup l'attention en France, mais qui l'a attiré ailleurs. Donc là, la source, c'est un média... arabe, alors attention, hein, il est recoupé par d'autres sources polonaises, j'ai bien évidemment vérifié. Donc c'est un média arabe en langue anglaise qui est respecté, hein, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, c'est pas un truc obscur, hein, c'est El Mayadin, vous saurez tout, Mayadin, pardon. Mais voici les informations, enfin, l'information dont il s'agit. Le vice-ministre polonais de la Défense, Marcin Ociepa, a déclaré mercredi que la Pologne voit de sérieux risques de guerre avec la Russie dans les 3 à 10 ans à venir et devrait profiter du temps restant pour préparer ses forces militaires. Alors, je cite le ministre, « Il existe un risque sérieux de guerre avec la Russie auquel nous serons confrontés, donc là c'est pas hypothétique dans la bouche du ministre, hein, dans 3 à 10 ans », a déclaré Ociepa, cité par le journal polonais, pardonnez-moi, je ne parle pas polonais, hein, Dziennik Gazeta Prawna. Ociepa a ajouté que cette issue possible serait relative au conflit entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne le calendrier, M. Ociepa a noté que la Pologne s'attend à ce qu'il faille exactement autant d'années à la Russie pour rétablir son potentiel militaire. Donc, sous-entendu, il y a une course aux armements, à la préparation pour un grand conflit, et qu'il y a une course contre la montre. Ajoutant que la Pologne devait consacrer ce temps à une modernisation complète de son armée, indépendamment des dépenses. Nous devrions utiliser ce temps pour rééquiper entièrement l'armée polonaise. Notre tâche est de trouver cet argent et de bien le dépenser. Alors, pourquoi j'ai jugé cette information pertinente? Eh bien, c'est parce qu'elle fait écho aux déclarations du chef de l'état-major britannique, qui date d'il y a à peu près... avant l'été, au printemps, qui évaluait à 2024 le début d'une grande confrontation avec la Russie. Alors, ce sont des déclarations, Mais bon, les intéressés sont quand même des gens qu'on doit, je crois, prendre au sérieux. On a un ministre de la Défense polonais d'un côté, on a un chef de l'état-major britannique de l'autre. Les échéanciers proposés ont l'air de plus ou moins concorder, c'est-à-dire que on se situe autour de 2024-2025, mais on parle quand même d'un temps qui est assez court, finalement, on parle en termes d'années. Alors, les Polonais nous disent, voilà, il faut qu'on s'arme à marche forcée, et nous dit-on, c'est relatif à la conclusion du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Hein, donc ça, en fonction de l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine en Ukraine, la Pologne devra ou pas entrer dans le conflit. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous explique. Quand on nous parle d'armement, de rééquiper complètement l'armée polonaise, on sait très bien que les Polonais ne vont pas s'équiper d'armes allemandes ou françaises. On sait que ce seront des armes américaines. Donc là aussi, de telles déclarations ne peuvent pas se faire sans... l'aval des États-Unis, le principal fournisseur, qui ne fournit pas d'armes innocemment. Il les fournit parce qu'il pense que ça conforte ses intérêts. Alors, je voudrais rapidement, avant qu'on se sépare, votre opinion là-dessus, sur cette déclaration. Est-ce que pour vous, ce conflit menace de s'étendre à court terme? Et si oui, même d'ailleurs, quelle devrait être la position des Français? Parce qu'au fond, Macron vient de déclarer il y a quelques jours que nous étions en guerre avec la Russie. De fait, il a dit ça. Hein, il a dit « de fait, nous sommes en guerre avec la Russie ». Ah ben, je ne savais pas, mais intéressant ça. Donc il n'y a aucune espèce de consultation de personne. Alors bon, je ne vais pas jouer le naïf, hein, bon, voilà, mais bon, visiblement, tout débat sur le sujet, discussion, bon, ça c'est oublié. Macron nous dit voilà, on est en guerre avec les Russes. Point barre. Les Britanniques bon, ont beaucoup plus d'allant parce que eux, ils veulent carrément rentrer, ils disent carrément qu'ils vont rentrer en guerre, ce que ne dit pas encore hein, le chef de l'état-major français. Le chef de l'état-major français n'a pas encore dit, par exemple, qu'on allait se retrouver en guerre avec les Russes dans les 2-3 ans, hein, je veux dire. Donc il y a un peu plus de retenue. Et du côté allemand, bah, c'est le silence total, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, en même temps, les Allemands n'ont pas d'armée, ce qui probablement facilite leur décision. Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus, sur ces déclarations des Polonais? Est-ce que vous leur accordez du crédit? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité très réelle? La position de Macron, qu'est-ce que vous auriez à en dire, etc., etc., avant qu'on se sépare, donc. J'espère vraiment que c'est uniquement pour enrichir la juiverie américaine et ses usines d'armes qu'ils font ce genre de déclaration et qu'ils sont pas sérieux. En tout cas, à mon avis, ça ne l'est pas vraiment, même si visiblement ils sont en train d'augmenter leur budget militaire. Pour mener une guerre, il faut de la testostérone, il faut des hommes, et il faut des hommes qui savent manier des armes. Avant, ça passait par le service militaire. Pour info, le service militaire, en 1914, quand la Première Guerre mondiale est déclarée, qui est, à mon avis, comme je le disais plus tôt, une des pires guerres et une des pires destructions de ressources humaines et matérielles que l'histoire européenne ait connue, les hommes avaient un service militaire de 2 ans, et il s'agissait de le passer à 3 ans. Donc c'était autre chose niveau maniement des armes, niveau connaissance du monde militaire, de la hiérarchie, des systèmes de logistique, et ainsi de suite. Donc à mon avis, c'est très peu possible aujourd'hui de se lancer dans des conflits, en tout cas en l'état des nations européennes. Le seul avantage que la Pologne a, si elle veut se lancer dans une guerre contre la Russie, c'est que c'est encore une nation homogène ethniquement, donc elle pourra avoir de la discipline et elle pourra pousser sa population à tenir le choc d'une confrontation, mais à part ça, avec quoi est-ce qu'ils veulent faire une guerre? C'est déjà compliqué en Ukraine. Ils sont 40 millions face à une Russie qui en fait quand même 145 millions, qui a la Chine derrière, qui est la première puissance manufacturière au monde. Donc c'est ridicule. Après, je connais bien les Polonais, ils sont autistes dans leur animosité vis-à-vis des Russes. Ils ont été humiliés après 1945 parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont subi l'occupation soviétique alors qu'elle était censée être beaucoup plus douce ou inexistante. Ils pensaient pouvoir négocier avec les soviétiques à la fin de la guerre. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs fait leur soulèvement à Varsovie. Ils pensaient pouvoir se libérer, du moins en partie, et ensuite avoir des bonnes conditions de négociation. Mais bon, évidemment, Staline, qui était quelqu'un de très fair-play, a décidé d'immédiatement liquider les responsables de la résistance polonaise qui se sont présentés à lui. Donc ça a été un échec cuisant pour les Polonais, qui feraient bien, comme dirait le professeur Forisson, de prendre comme compagne une attentive modération. Non, mais c'est pénible. Bon, après, bon, c'est ma théorie, c'est que toutes les nations européennes ont des sortes d'autismes nationaux chacune. Alors, je pourrais développer, mais les Polonais, en tout cas, c'est leur hostilité vis-à-vis des Russes. Il y a les Allemands aussi, quand même, un petit peu. C'est moins sur le devant de la scène aujourd'hui, mais ils ont un peu c'est les deux angles du truc, quoi, à peu près. Ils ont quand même demandé 1300 milliards d'euros de réparation à l'Allemagne cette semaine. Oui, tout bon, en modération, tout en modestie, évidemment. Voilà, très proche de la réalité, hein, avec le souci de la faisabilité, hein, de telles demandes. Hein, voilà. Ils ont dit, hein, mais remarquez que ça se passe la même semaine. C'est-à-dire, on a besoin de rééquiper de pied en cap l'armée polonaise. Effectivement, hein, Vous regardez le PIB polonais, c'est pas très reluisant. Vous regardez l'armée polonaise, c'est pas non plus très brillant. Donc s'il faut foutre une pilée aux Russes, faut des moyens. Et la même semaine, ils disent, ah bah tiens, on s'est rappelé des Allemands. Vous nous devez 1300 milliards d'euros parce que les nazis, c'était pas bien. Bah oui, il suffisait d'y penser, hein, je veux dire, ce qui est quand même, pour vous donner une idée quand même des échelles, parce que nos auditeurs peuvent se poser la question, les Juifs, avec tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire Hollywood principalement, ont extorqué à peu près 60 milliards d'euros aux Allemands. Ce qui est pas rien, hein, je veux dire, c'est pas rien non plus. Bon, ils leur ont extorqué à peu près ça. Alors, on pourra toujours discuter, peut-être que par des biais détournés, en rajoutant ceci, peut-être leur... Les recettes des films comme La Liste de Schindler et compagnie, c'est vrai qu'on peut gonfler un peu. Enfin bon, quand même, voilà. Et là, les Polonais arrivent en disant « Mais nous, c'est 20 fois ça !» Alors voilà. Bah oui, voilà. Alors vous allez me dire, quand on rentre dans une négociation, il faut toujours arriver avec la barre très haute pour parvenir à un accord à peu près à la moitié. Bon, bah, ça fait quand même 600 milliards. Bon, alors, bon. Alors, les Allemands, je suis sûr qu'ils ont été très convaincus. Mais alors, ceci étant dit, et comme j'ai quand même envie de dire du mal des souverainistes, en France trouvent ça super. Ils ont dit, ah bah ouais, mais c'est génial, c'est exactement comme les Grecs. Et comment ça se fait? J'ai entendu ça aussi. Pourquoi on leur demande pas du pognon aux Allemands? Alors, je dis, ça, ouais. Ah oui, c'est bah vrai. Oui, bien sûr. Ah, allons-y. Oui, demandons-leur. Je suis convaincu que la France est en position de force pour demander du pognon aux Allemands. J'en suis absolument sûr. Bon, voilà. Alors, c'est l'état des discussions. Voilà. Non, mais pour continuer un petit peu, l'élite polonaise joue sur du velours en poussant la population. Ils les ont bien préparés en amont, vraiment. Ça fait depuis longtemps qu'ils expliquent aux Polonais, notamment avec l'accident du gouvernement en 2008, qui à Smolensk, qui était en voyage en fait pour commémorer le massacre de Katyn. L'avion du gouvernement s'est écrasé dans la forêt. Il a tapé. On ne sait pas tellement pourquoi. C'est un peu difficile de prendre position là-dessus. Les Polonais pensent que les Russes sont responsables. Les Russes disent qu'ils y peuvent rien. Mais bon. Bref. En tout cas, ils ont bien monté la population polonaise contre les Russes à ce sujet-là, en leur disant voilà, ils ont assassiné notre gouvernement. Ils nous veulent du mal. Ils sont persuadés, quand on parle à un Polonais dans la rue, ils sont persuadés que la Russie leur veut beaucoup de mal et qu'elle elle fomente en permanence un complot contre elle. J'imagine que l'histoire leur donne plutôt raison, mais je pense que c'est faux aujourd'hui. Je pense que les Russes ont pas du tout intérêt à se mettre à dos les nations européennes. Et, on n'avait pas jusqu'à l'intervention des Britanniques et des Américains et des Juifs. Hein. Mais c'est toujours le cas. Je pense que si les Européens voulaient une désescalade, ils voulaient une rouverture des négociations, les Russes ne diraient pas non. Ils n'iraient pas mettre du feu, de l'huile sur le feu si les Européens étaient un peu plus conciliants. Mais seulement, il n'y a aucun discours de conciliation. C'est vraiment l'ouverture des hostilités au maximum, hormis les hostilités sur le terrain militaire ouvertes. Bah là, c'est évident, puisque c'est sanctions qui ne peuvent pas être levées et livraison à tel point d'ailleurs que ça va engendrer une catastrophe énergétique, tout le monde en a bien conscience, et livraison d'armes sans cesse. Donc, je veux dire, là il n'y a plus de... Je veux dire, Je pense que en France, les gens s'en foutent parce qu'ils se disent ouais, mais c'est loin, c'est dans des pays, on s'en fout. Etc. Ouais, c'est ça malheureusement qui est prégnant aujourd'hui en France, c'est qu'en fait les mecs se disent on s'en fout, on s'en tape, c'est pas un problème. Ouais, ils se foutent sur la gueule, on s'en fout. Comme si ça n'avait pas de retombées. Et c'est la grande différence, c'est que ça va avoir de très sérieuses retombées. Et quand les gens vont réaliser que ça a de très sérieuses retombées, ça sera trop tard. Parce que toute la mécanique aura été mise en place et on ne pourra plus s'extraire de cette mécanique. Vous voyez, c'est ça, malheureusement, je pense que nos auditeurs doivent en avoir conscience. On a aussi quelques têtes brûlées dans notre camp qui jouent quoi. Ils trouvent que Zelensky est beau, je ne sais pas. Ils sont là, oui, mais ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. On sait très bien qui sont les donneurs d'ordre, on sait que ça vient de très loin, on sait que c'est la suite des conflits qui ont eu lieu précédemment. Et souvent, les peuples sont traînés par les cheveux dans les conflits. Et là, on vous dit, voilà, vous savez, c'est le principe de sanction contre sanction. Poutine avait dit, Poutine a été très réglo dans sa façon de présenter les choses. Il a dit, attention, bon, c'est pas relayé en Occident, on peut le voir un peu par Internet, mais c'est pas relayé en Occident. Il dit, attention, les dirigeants occidentaux vont blâmer la Russie et son gouvernement pour les conséquences économiques des sanctions qu'ils ont prises et le soutien et l'alimentation du conflit en Ukraine. Ils ont, en quelque sorte, un bouc émissaire tout trouvé. Et Poutine avait dit, je m'adresse aux peuples occidentaux, sachez que nous ne sommes pour rien dans vos problèmes économiques. Nous ne sommes pas responsables. Nous n'avons pas voulu ces sanctions, nous n'avons pas voulu cette escalade. Voilà. Bon, évidemment, c'est le contraire. Ils nous fournissaient une énergie à bas coût depuis des années. Au contraire, ils tenaient nos économies à flot. Et ben voilà, alors maintenant ça va rejaillir sur les... Là, on se posait des questions. Alors tout le monde était pour l'Ukraine, parce que les gens sont stupides, au mois de mars. Les conséquences vont commencer à se faire sentir, mais c'est des mécanismes quand même un peu plus longs que l'immédiateté. Donc ça prend un an et demi à vraiment se faire sentir. Mais là, ensuite, quand ça se fait sentir, ça se fait vraiment sentir. Alors les gens sont là, mais est-ce que je vais avoir froid cet hiver? Mais c'est pas tellement le sujet. C'est-à-dire que non, tu vas ouvrir ton gaz, tu auras du gaz. Par contre, ta facture, ce ne sera pas la même. Donc, c'est toi qui vas te limiter dans ta consommation. C'est ça qui va se produire. Ce n'est pas le fait que tu n'auras pas accès physiquement à du gaz. Tu auras accès physiquement à du gaz. Mais la facture n'aura rien à voir avec ce que tu as connu. Donc, pour les entreprises, etc., ça va être un désastre. Voilà. Et vous regardez ensuite les grandes décisions que prennent les vassaux des Américains, que sont les dirigeants européens. Eh ben, c'est toujours plus d'armes, plus de cash à Zelensky et son gang. On soutient ce truc-là, on va soutenir l'extension, c'est-à-dire que les Polonais sont en train de dire on va s'armer pour participer au conflit. Mais attendez, moi je suis président de la République française. Moi je prends la parole publiquement, je dis mais attendez, nous sommes collectivement dans une alliance, l'OTAN. Donc il y a un phénomène d'entraînement, d'automaticité de l'alliance. Moi je dis aux Polonais publiquement, je dis attendez, vous êtes en train de préparer une guerre contre la Russie. Vous êtes membre d'une alliance. Et nous, on est censé vous soutenir. Il va falloir qu'on mette tout à plat, là, tout de suite. Et très vite. Très, très vite. Parce que sinon, je vais devoir prendre des décisions, même unilatéralement, pour suspendre la participation de la France à l'OTAN. Je ne peux pas risquer l'entraînement automatique de l'entrée de mon pays dans un conflit dont je ne détermine pas les conditions. Ce n'est pas possible. Vous voyez, bah, les Polonais, ils sont en train de nous le dire. Vous voyez, il faut que les gens comprennent ça. Quand les Polonais disent on se prépare pour une guerre, etc., parce que c'est déclaré au niveau gouvernemental, ils disent ça comme ça, c'est pas comme si les Polonais étaient tout seuls, tranquillement, en train de faire leurs petites affaires avec les Américains et que bah, s'ils perdent la guerre, c'est pour eux. Non. À cause de l'OTAN et à cause de l'Union européenne, parce qu'il y a des clauses dans l'organisation européenne qui font que nous sommes aussi obligés de soutenir un pays membre de l'Union européenne s'il est techniquement agressé, mais vous connaissez l'histoire des agressions. Là, Vincent, c'est Vincent qui va jouer sur du velours. La thématique, c'est moi qui ai été agressé en premier. C'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que si les Polonais veulent se dire agressés, ils trouveront le prétexte. C'est pas un problème, je veux dire. Donc, techniquement, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est à deux doigts de se faire entrer dans un conflit avec une puissance nucléaire. Alors, l'effet trompeur, c'est que comme les Russes n'ont pas utilisé leur force nucléaire, au moins tactique, contre l'Ukraine, en ce moment, tout le monde dans les chancelleries européennes est en train de se dire on peut les plier comme on veut. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en train de dire, voilà, les Ukrainiens, là, c'est le premier round. Ils vont les fatiguer à bloc, on va leur filer de l'argent, on va leur filer des armes, on va les soutenir, ils vont épuiser les Russes, là, voilà, ça, on va, voilà, pendant probablement encore 2 ans, c'est ce qu'ils nous disent, hein, voilà, 2 ans, 3 ans, là, voilà, on va bien fatiguer les Russes en Ukraine, et quand on va sentir que ça sera bon, on va décocher l'hypercute, les Russes, ils vont tomber sur leur cul, ils seront KO, on en fera ce qu'on voudra. C'est l'état des discussions aujourd'hui en Europe. Malheureusement, parce que Poutine a été trop gentil. Si Poutine avait tapé tout de suite à l'arme nucléaire, même en modèle réduit, pas besoin de ratiboiser les 3/4 de l'Ukraine, mais en modèle réduit, il avait qu'à utiliser une arme nucléaire sur 2 ou 3 kilomètres. tout le monde en Europe se serait calmé très vite et se serait mis de côté. On a dit, bon, c'est une histoire entre Ukrainiens et Russes, on ne va pas aller trop voir ce qui se passe chez eux, ça ne nous intéresse pas trop. C'est un sacré coup de poker, parce que d'autres analystes ont dit qu'au contraire, ils pensaient que s'ils avaient utilisé l'arme nucléaire, ça aurait entraîné la plupart des pays européens dans la guerre, du coup. Non, non, non. Parce que quand tu regardes l'état des opinions publiques ouest-européennes, ces gens-là, crois-moi bien qu'ils ont pas du tout, ils brûlent pas du tout d'envie d'aller se battre contre les Russes, surtout sous des radiations. Hein. Je peux te dire que c'est pas du tout le projet de vie de la plupart des Occidentaux. Les Américains sont sur leur île, donc ça, ils s'en tapent. Donc voilà, mais en France... Ça ne le sera pas plus dans 3 ans. Donc je vois pas pourquoi les Polonais tablent là-dessus. Dans 3 ans, les gens, au contraire, ils auront eu froid 2 hivers, ils auront plus d'argent, ils vont se plaindre. À mon avis, c'est délirant. C'est délirant d'imaginer l'Europe se lancer dans une guerre. Parce que faut voir quand même le contexte et les mentalités des gens quand ils rentraient dans les grandes guerres. Par exemple, on peut prendre les guerres napoléoniennes. Pour prendre un autre exemple, les Français étaient vraiment fanatisés par les idéaux de la Révolution. Ils voulaient étendre leurs idées, ils voulaient conquérir le monde. C'était vraiment... quelque chose de très nouveau, et ils avaient envie de cette guerre. La nation française avait envie des guerres qui ont eu lieu sous Napoléon, et c'était le cas en 14. En 39, la France n'avait pas du tout envie de faire la guerre, et c'est pour ça qu'elle a perdu, lamentablement. Donc les opinions européennes sont déjà en train de se plaindre qu'on va avoir froid en hiver. J'ai lu quand même pas mal de monde dire qu'ils voulaient envoyer leurs factures d'électricité ou de chauffage ici et là. Oui, à leurs députés, ou aux pouvoirs publics locaux. En tout cas, pour dire que c'est vous qui avez pris cette décision de boycotter et de sanctionner la Russie, c'est vous qui payez les décisions. Moi, je suis pas d'accord. En Angleterre, il y a ce mouvement pour ne pas payer l'énergie. Je crois qu'il y a 100 000 personnes qui ont annoncé ne pas payer leur facture à partir de septembre. On verra si ce sera suivi des faits. Mais cette histoire de guerre, d'opinion publique qui irait se lancer dans une guerre, on n'a pas le fanatisme nécessaire pour se lancer là-dedans. Oui, je suis d'accord qu'il y a... Les masses traînent la patte, c'est sûr. Mais attention, hein, l'aveuglement des élites joue beaucoup. Tu sais, en 1914, quand le tsar est rentré dans la guerre, il était convaincu que ça serait que la Russie en sortirait comme une grande puissance mondiale. Tu vois, il avait ses yeux posés sur les détroits du Bosphore, il avait ses yeux posés sur l'Europe centrale, tu vois, Nicolas II ne s'imaginait pas du tout la fin du conflit, tu vois, c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu évolues dans une cloche, tu te rends pas compte, quoi, hein, tu vois. Et je pense que c'est ce qui se passe au niveau occidental aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un aveuglement absolu sur la situation, sur leurs capacités réelles, etc. Il y a vraiment un aveuglement, hein, je veux dire. Mais sur le papier, ça paraît crédible, parce qu'ils disent non, mais la Russie, c'est un pays du tiers-monde, on peut les... Oui, quand on prend la Russie en elle-même, qu'on l'isole, on dit, voilà, bon, pris en elle-même, voilà. Oui, mais il y a une dynamique générale, et voilà, je crois qu'il faut être méfiant. Vincent, est-ce que, pour le mot de la fin, en fait, hein, est-ce que sur tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été dit, les déclarations polonaises et autres, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? Ben moi, j'ai la vision de celui qui étudie l'histoire, et je m'aperçois que le discours polonais... c'est ce qu'on appelle un discours de psychose de guerre. C'est-à-dire que quand on veut préparer une guerre, on lance des ballons d'essai. On a eu un exemple parfait qui est totalement oublié aujourd'hui, ce qui s'est passé en 1937. En 1937, puisqu'on préparait la guerre contre l'Allemagne, il y a eu toute une campagne de presse qui a été orchestrée, hein, où on a prétendu que les Allemands avait débarqué au Maroc espagnol. Donc encore une fois, aujourd'hui, c'est totalement oublié cette affaire. Mais ça a échauffé les esprits, et notamment les esprits des gouvernements et des chancelleries. Donc il y a eu on a prétendu que les Allemands, sous prétexte d'aider Franco, débarquer au Maroc espagnol et ils construisaient, ils mettaient des armées, ils construisaient des forts en prévision justement d'une attaque des colonies françaises, voire de la France, etc. Donc il y a eu toute une psychose de guerre qui a été orchestrée pendant... Il y a eu l'humanité, il y avait l'ordre, il y avait Pertinax, il y avait Geneviève Tabouy de l'œuvre. Tout ça, c'était les Bernard-Henri Lévy de l'époque, si vous voulez. Et donc, ils ont orchestré ça pendant à peu près 2 semaines, sur du rien. Et bon, finalement, l'Allemagne a démenti. Et heureusement, il y avait encore des gens qui avaient la tête froide et qui ont dit non, non, notamment, il y avait des ambassadeurs qui étaient là ou des observateurs qui ont dit non, non, il n'y a rien, il y a des Allemands qui sont venus, mais ça n'a rien à voir, c'est pas un débarquement de troupes, etc. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle la psychose de guerre. Psychose de guerre, ça veut dire on balance des ballons d'essai. On échauffe les esprits. Et ça, l'objectif, c'est de faire pénétrer petit à petit dans l'esprit des gens que la guerre est inévitable, que c'est une question de date. Donc, ce qui se passe là en Pologne, alors, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Alors, ça peut être complètement autre chose. Je ne dis pas que j'ai raison dans mon analyse. Mais ça a tout à fait l'aspect d'une psychose de guerre, voilà. La guerre est là entre 3 et 10 ans, il faut commencer à s'armer, etc., etc., voilà. Ça, c'est typique. Et on retrouvait ce discours chez Roosevelt, dès les années, dès 1939-1940, 10 ans, allant jusqu'à dire, mais sérieusement, que l'Amérique était en danger et demandant des milliards au Congrès pour l'armement. Et ça, encore une fois, ça fait partie de ces discours. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui est en train de se tramer par la Pologne? Je l'ignore parce que on n'est pas dans le secret. Et quand on voit après, quand on étudie les choses 80 ans après, comme je le fais à l'heure où certaines archives se sont publiées, on voit à quel point, sur le moment, on était mal informé, qu'il y avait des choses. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, je n'ai pas d'informations extraordinaires à donner là-dessus. Mais c'est assez inquiétant. Et alors, le problème, encore une fois, l'histoire nous montre, c'est que quand un clan de bellicistes veut faire la guerre, qu'il y ait impréparation ou pas, ça lui est complètement égal. Ça lui est complètement égal, et il y a une anecdote très connue, d'un parlementaire français qui s'adresse à un belliciste en disant, je crois que c'était à Jean Zé, il lui dit, mais la France, on est pendant l'été 39, il lui dit, mais la France n'est pas prête pour la guerre, il ne faut pas déclarer la guerre à l'Allemagne. Et le gars lui répond, non, non, mais c'est normal, les démocraties, elles sont jamais prêtes, c'est seulement à partir du moment où la guerre est déclarée qu'elle se prépare. Mais ben ça, c'est typique de la mentalité belliciste. C'est-à-dire que, qu'on soit prêt ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de déclarer la guerre, on verra bien après. Et puis, voilà. Alors, ça peut mener à des catastrophes, hein, comme ça a mené en 40, d'ailleurs, mais voilà. Donc, moi, c'est ce qui me fait dire que il y a, a priori, moi, je sens un danger. Je sens qu'il y a un clan belliciste qui pousse à la guerre. Alors, dernière chose, vous avez bien parlé, tu as bien parlé des affaires d'alliance. Et ça, je rebondis sur ce que disait Jean tout à l'heure. C'est que il y a beaucoup de gens chez nous qui sont des légalistes. On a conclu une alliance, on ne peut pas renier notre signature. Alors ça, c'est un argument qui a sa force. Je ne dis pas qu'il est inconsistant. Mais c'est un argument auquel il faut faire très très attention parce que il y a quand même un principe que l'on retrouve en droit international et que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans la morale chrétienne, la morale catholique, et d'ailleurs je suppose dans toutes les morales du monde, parce que c'est un argument de bon sens. Une promesse n'est valable que tant que les conditions qui ont vu sa mise en forme subsistent. Un exemple très simple, Je dis à mon voisin, si un jour tu as besoin d'argent, je peux t'en prêter. Et un mois après, moi, manque de bol, je fais faillite. Je fais faillite, j'ai un gros problème et je n'ai plus d'argent. Mon voisin arrive et dit, voilà, tu m'as promis, j'ai besoin d'argent. Eh bien là, j'ai le droit de lui dire non, sans renier ma parole, parce que les circonstances ne sont plus les mêmes. Et en droit international, il y avait un adage, pacta sunt rebus sic rebus tantibus. Ça veut dire, les pactes sont valables tant que les choses qui les ont vues naître sont dans le même état. En conséquence, une alliance n'est jamais automatique. Ça, c'est une légende. Ça, c'est une légende et des va-t-en-guerre, ça. C'est une légende. Les alliances ne sont jamais automatiques. Et on a vu pendant l'histoire, notamment François Ier qui a refusé d'exécuter une alliance, je pense que c'était avec l'Espagne qui aurait fait perdre la Bourgogne. On a vu des cas où des gens, des princes qui n'étaient pas des gens sans parole disent non, là mon alliance je ne peux pas la faire. D'ailleurs en 1939, c'est ce que la France aurait dû dire. La France aurait dû dire à la Pologne, non, on ne peut pas en faire. Parce que quand on a fait l'alliance avec vous, s'il y avait tout le système de sécurité collective, puis ensuite on avait la Tchécoslovaquie, on comptait sur la Tchécoslovaquie, elle n'existe plus. On comptait que l'URSS soit neutre et soit même positive envers nous, elle s'est tournée du côté de l'Allemagne. Donc les choses ne sont plus du tout ce qu'elles étaient quand on a signé l'alliance. Et voilà pourquoi, et j'en termine là, si jamais un problème de guerre à l'Est se passait, quel que soit l'ennemi, encore une fois, moi je ne prends pas parti dans ces affaires russo-ukrainiennes, quel que soit l'ennemi, s'il y avait un problème de guerre à l'Est et qu'on commence à nous dire la France a des alliances, la France est dans l'OTAN, méfiez-vous, ça c'est des discours de bellicistes. On n'est jamais à 100% dans une alliance, on n'est jamais à 100% dans une promesse. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, sur ces sages paroles, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, chers amis. Eh bien, oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.